said not bullet. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, not bullet. No matter where I go, go. You know I love them all. L'équipe, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour les auditeurs. Est-ce que vous voulez savoir? Ouais. Il sera notre invité jeudi, c'est Black M. Je suis français. Tellement un kiff, ça fait hyper longtemps qu'on voulait le recevoir. Et bah il sera là. On lui a préparé mais tellement du lourd. Ouais, ça va être chiant, mais franchement, la ratez pas cette émission vraiment. Je pense qu'il va pas être déçu. J'adore celle-là, moi, c'est ma préférée, je crois. J'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Je n'en veux pas. Car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. Black M sera là, il nous fera le live de Je suis chez moi en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller là déjà par mail marion@funradio.fr. Et là tout de suite, on a Manon qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Je vous le disais, il y a 5 minutes, elle a reçu un SMS d'un collègue, mais très très chelou. Bonsoir Manon. Salut les filles. Ça va Manon? Ça va? Oui, et vous? Oui, très bien. Alors, déjà, tu fais quoi dans la vie Manon? Alors, je suis caissière. Tu es caissière, d'accord. Oh, ouais. Bon, ça se passe bien? Bon, écoute, en général, ouais, à part une ou deux fois, tu vois. D'accord. Et alors, donc, tu as reçu un SMS chelou d'une ou d'un collègue? D'un collègue de boulot ce matin. En fait, j'ai un collègue de boulot que je croise régulièrement. Mais tu vois, c'est bonjour, au revoir, on change les plannings, les petites choses comme ça. Mmh. Et ce matin, il m'a envoyé un joli petit SMS avec écrit tout simplement « Je sais tout », trois petits points et un grand point d'exclamation. « Je sais tout ». Voilà. Alors... Ah. Il sait quoi? Je ne sais pas. Bah, il y a bien des trucs, tu as des trucs à cacher alors Manon? Oh, en fait, j'ai fait juste un truc et je pense que c'est ça. En fait, j'ai envoyé chier et insulté une cliente il y a quelques temps. Ah, et il t'a vu? Et je pense qu'il m'a vu. Mais attends, mais alors, je veux dire, c'est quoi cette menace à la con? Bah ouais, mais tu vois, j'ai pas le droit. À la base, t'es le client est roi. Mais alors pourquoi tu lui réponds pas en lui disant, bah tu sais quoi? Tout simplement. Bah, parce que je vais pas aller me mouiller, tu vois, si c'est pas ça. Oui, mais Manon, c'est ta parole contre la sienne, donc y a pas de preuve. À moins qu'il t'ait filmé, que ce soit un gros psychopathe. Oh, ouais, tu sais, on sait jamais. Hein. Mais Manon, t'es sûre que c'est rien de ta vie privée? T'as pas fait une connerie? Je sais pas. Bah, comme tout le monde, j'ai fait des conneries, tu sais, justement, ça peut être aussi ça. Donc, tu vois, si je me mouille sur un truc et si c'est pas ça, j'ai pas l'air con. D'accord, alors moi j'essaierai d'aller le voir direct en face à face parce que là il fait le malin par texto. Mais quand tu vas aller le voir et que tu vas lui dire alors tu sais quoi? Eh ben à mon avis il va avoir l'air con. Ouais, moi je suis d'accord. Parce que c'est vrai que par texto il va t'emmener dans 1000 pistes et tout, à mon avis il va en jouer, tu vois. Et puis ça se trouve il s'est trompé de destinataire en plus. Ouais, c'est vrai. Donc va le voir en face, tu vois, tu vas dès demain et tu lui dis mais en toute détente parce que s'il voit que toi tu paniques et que tu flippes, eh ben il va être content et il va continuer à en jouer. Donc vas-y en toute détente et tu lui dis bah mec, tu sais quoi en fait? Et puis, bah, s'il te le dit, tu lui dis, ah, bah, si c'est que ça, vas-y, fais-toi plaisir, fais-en ce que tu veux. Et s'il te dit pas, tu lui dis, tu laisses tomber, bichette. Ouais, je vais essayer ça. Je vais voir. Mais c'est une bonne question. Reste avec nous, chérie. Est-ce que vous, l'équipe, là, vous avez déjà reçu un SMS comme ça, un peu gênant? Alors, pas forcément d'un collègue de boulot. Ouais. Mais, je sais pas, d'un mec. Qui a dit ouais? Moi. Ouais, moi aussi. Hein. Bon, moi Enzo, aussi. Vas-y, puisque tu l'ouvres, qu'est-ce que t'as reçu, toi? Bah, en fait, moi, c'est mon père qui m'a envoyé une vidéo de cul par erreur, en fait. Mais non, arrête tes conneries. Non, c'est vrai. Mais il y avait quoi sur cette vidéo? Bah, en fait, c'était un nain qui baisait avec mais des non, mais... non, mais sans vanne. Mais c'est une blague? Non, c'est pas une blague. En fait, il avait envoyé ça à un de ses collègues. Il pensait avoir envoyé ça à un de ses collègues, sauf qu'il me l'a envoyé à moi. Mais c'était pas la sextape de Valbuena, ça? Mais arrête! Mais non, mais ça va pas, mais surtout, je suis choquée par ton père qui regarde ce genre de vidéo, quoi. Non, mais c'était en vanne, tu sais, entre ouais, potes. Mais bon. Moi bah, aussi, c'est j'envoie drôle, des trucs comme man. Ça. Ouais. Bon, ouais, c'est libre. Ok, bon Anso, toi, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, on va rester dans le même registre. C'est quoi toi? Moi, c'est un mec de Tinder qui m'envoyait des photos de son sexe tout le temps. Oh. Mais tout le temps. Et je lui avais rien demandé. C'est-à-dire qu'on s'était échangé nos numéros et il m'envoyait tout le temps des photos de son sexe. Mais c'était insupportable. Pourquoi tu l'as pas bloqué tout simplement? Parce qu'il avait une belle teuf. T'es vraiment trop con. Non mais c'est pas vrai, je l'ai bloqué en vrai. Ah ouais. Ah mais moi j'ai jamais eu des trucs comme ça. Après de cul. Après avoir fait 2-3 screenshots quoi. Moi j'avais un truc au lycée. J'avais reçu, je me rappelle, au lycée ou au collège, je sais plus, une déclaration d'amour avec plein de fautes d'orthographe. Mais c'était hyper gênant parce que c'était un mec de mon bahut, mais que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je voyais qu'il s'était de vue, mais je le connaissais pas du tout. Et du coup, quand j'allais au récré et tout, j'avais hyper peur qu'il vienne me voir. Parce que forcément, bon, bah, c'était pas la bombe du lycée, hein. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, moi, pas du tout à l'aise avec les relations à l'époque. Mais lui, il était comment? Bon, bah, pas terrible, quoi. Ouais. Il était, voilà, bon, après, on était tous les deux pas terribles, de toute façon. mais lui un peu plus. Et du coup, j'étais hyper mal à l'aise pendant des semaines. J'avais trop peur. Je disais à mes copines, mais je peux pas aller en récré. J'ai peur qu'il vienne me voir. Voilà. Enfin. Bah oui, je sais, pauvre petit chat. Et t'es bien moins farouche que ça maintenant. Ouais, quand même. Je te confirme. Bon, bah appelez-nous, vous, là, 01 42 48 5000. On parle des SMS gênants que vous avez pu recevoir. Et si vous avez des conseils pour Manon, là, qui doit gérer le cas avec son collègue, dites-nous aussi. Et je vais vous proposer un jeu dans un instant, l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, là? Je sais pas si je le dis maintenant. Vous voulez ou pas? Bah, ça dépend, parce alors, que si je tu vais le dis dire maintenant. Non, je vais le dire maintenant, ah, mais par précaution, je vais faire quelque chose. En fait, j'avais envie de récupérer tous vos téléphones. Ne touchez plus à vos téléphones. Okay. Je vais les mettre dans un sac. Ok. On va demander à une main innocente du style, je sais pas, n'importe qui, un stagiaire ou quoi, de sélectionner un téléphone. Et on va devoir lire le dernier message sur ce téléphone. Attention, personne ne touche son téléphone. Hein. Je mets le mien y compris. Attendez, mais les garçons, ils sont en train de regarder. Non. Mais moi, je me rappelle plus ce que j'ai déjà. Anso, tu mets dans le sac. J'en ai rien à faire. Tiens, mon téléphone. On se met en Facebook Live, justement, là, pour que vous puissiez nous suivre. Okay. J'ai tous les téléphones. J'ai Anso, j'ai Amir des réseaux sociaux, j'ai Enzo du Standard, j'ai Thibaut à l'Area. Il est là. Et j'ai le mien. Ça va être sympa, on se fait ça dans un instant. Allez, il y a Justin de Lens qui nous a appelé. Bonsoir Justin. Salut Marion, c'est bien. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Justin. Ouais. Dis-nous alors, ouais, alors moi j'ai reçu un SMS de ma mère, c'était bah, avant-hier. C'était genre, ce soir je te prépare une grosse surprise, tu pourras me traiter comme une chienne. Ta mère? Ouais. Mais elle je te crois pas. Elle a envoyé ça à mon père, si. Bah, oui, bah, j'imagine qu'elle s'est trompée, oui. Mais j'aimerais bien que tu nous envoies les screens, effectivement, Justin. Ça me déplairait pas. Non, mais c'est quoi ce délire? Ta mère t'a envoyé ça? Non, mais surtout, qu'est-ce que tu réponds à ça, Justin, après? Bah, j'ai envoyé trois petits points. Et d'accord. Après, elle m'a répondu à oups, je me suis trompée, désolé, désolé mon bûchon, etc., etc. D'accord. Attends, excusez-moi parce que qu'est-ce qui se passe dans ce studio? Attendez. Je suis désolée, on est en direct live. Et alors là, qui êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir. Quelqu'un vient de rentrer dans le studio au look étrange. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Notre stagiaire vient. Pourquoi tu nous ramènes cette personne? Qu'est-ce que c'est? Mais dites-nous, venez parler au micro. Des personnes ne savent. Alors bonsoir. Moi, j'ai reçu un appel de l'accueil il y a 30 secondes qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un pour Marion et Anso. Mais c'était pas prévu ça, on est d'accord? D'accord. Bonsoir, d'accord. Alors madame, vous avez un look très étrange, mais on se connaît je crois, on s'était déjà vu. Hein. D'accord, bon, on en reparlera plus tard. Hein. On va revenir à vous plus tard. Cette émission est improbable, on est sur Facebook Live, donc si vous voulez mater, allez voir. Hein. Et Justin, du coup, t'as répondu quoi à ta mère? Bah du coup, j'ai envoyé trois petits points, elle m'a dit excuse-moi et tout. Et je lui ai répondu après ok. Mais j'étais un peu gêné, quoi. Et après, vous avez jamais désamorcé? Vous n'en avez pas parlé? Non, j'ai pas osé reparler. D'accord. C'était très angoissant. Bah ouais, je comprends, mon bichon. Mais en tout cas, tu sais que tes parents ont une sexualité épanouie, et ça, c'est franchement cool. C'est vrai que c'est cool. Et en plus, t'as de quoi la faire chanter, ta mère. Ça, c'est pas mal aussi. Ah non, mais on se fera pas ça. On t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Et Anso? Oui, chérie. C'est possible d'avoir un agenda Fun Radio? Oui, bien sûr, on va gérer ça. Il y en a, on en a plein dédicacés par toute l'équipe de Fun en plus. Ouais. On va te passer merci. Yannick au standard, tu vas gérer ça avec lui, d'accord? Ok, très bien, merci beaucoup. Bisous. On t'embrasse, Justin. Bisous. Les bon, l'équipe, je crois que c'est le moment de sélectionner le téléphone. On va lire un des messages. Je vous promets que ça n'a pas été truqué parce que tout le monde n'était pas au courant. Tout le monde a mis son téléphone dedans. Et attends, du coup, t'as dit on tirage au sort par une main innocente, donc c'est toi qui fais. Bah, ça bah, pourrait Béric. Être du coup la dame. Allez, Béric qui fait des blagues. Ouais, Béric qui fait des blagues. Non, pas la dame, elle fait peur, la dame. Hein. Alors, Béric, c'est qui? C'est Marion. Ah, c'est moi. Ah. Ouf. Alors, je fais mon code. Moi, il n'y a rien d'excitant, hein, donc. Alors, bonjour Madame Gagnon, le résultat de votre prélèvement de kyste est tout à fait rassurant, tout à fait bénin. Bien à vous, docteur Lacazenne. Oui, c'était mon truc de la lèvre. Ah. Mais attends, tu reçois des textos à quelle heure pour ça? Bah, je l'ai reçu tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ouais. Si, je l'ai reçu tout à l'heure. Comme par hasard, c'était elle qui a eu l'idée du jeu, et comme par hasard, elle a un truc comme ça. Quoi. Allez, on en fait un autre. Hein. Ok. Parce que t'es pas convaincu, je prends celui-là. C'est qui? C'est Amir. C'est à moi. Attends, faut que je fasse mon code. Bah, ça y est, il est défait. Ah merde. Attends, parce que j'ai tous les SMS, là, ça me gêne. Non. J'ouvre Momo. Ah. Bah, c'est qui Momo? Amir, vas-y, c'est un pote? C'est un pote. Ça m'a fait plaisir de te voir avec trois petits points. Oh. Mais qu'est-ce que c'est mais que ce surtout, pote? Mais surtout, le message a été envoyé trois fois. Ça m'a fait plaisir de te voir. Mais c'est un pote, Momou. C'est non, c'est Monica. Ah, mais attends, mec, les trois petits points, t'es plus dans la friend zone, mec. Hein. Les trois petits points, c'est pas la friend zone. Non, mais Momou, c'est un pote. Ça fait un moment que je le connais, Momou. Il est chelou. Bon, Marion, un dernier. Oh, tout de suite, il est chelou. Trois petits points chez nous, ça veut dire ça va. Un dernier, c'est qui celui-là? C'est Thibaut. Ah, c'est moi. C'est quoi ton code? Allez, c'est donne-le. Mon code de carte bleue, c'est 3267. Mais il est cool. Ok, c'est ça en plus. SMS. Aurélie, c'est qui Aurélie? Ah, c'est ma copine. Ah non. Alors. Comme j'en ai pas mangé du tout, je m'en fous que tu les manges, mais dans ces cas-là, mange tout, n'en laisse pas qu'une, bref. Ok, désolé. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Attends, je remonte parce qu'on comprend rien. Vous parlez de quoi quand vous bouffez ? Attends, à 19h, elle écrit « Laissez une seule galette dans le congèle, c'est pas très cool. » Oh ! Il répond « Écoute, je suis désolée, je me rappelle pas en avoir mangé récemment. » Et là, elle dit « Comme j'en ai pas mangé du tout, je m'en fous que tu les manges, mais dans ces cas-là, n'en laisse pas qu'une. » Et lui, il met « Ok, désolé, comme un fragile. » L'embrouille de merde chez les Thibaut, quoi. C'est n'importe ça. Quoi. Et on a vraiment des vies de merde. Hein. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Fun un incroyable talent qui va débarquer. Si vous avez du talent, on vous le dit, dites-le nous. Marion et Anso, funradio.fr, inscrivez-vous. Et puis pour le son, tout de suite, on écoute Boosty sur Fun Radio. C'est Marion et Anso, on en direct jusqu'à minuit. 01 42 48 5000. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we'll rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we'll rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Et j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, nous avons tenté l'impossible avec l'équipe. Nous avons fait une séance de Ouija. Alors, je vous cache pas que franchement, on était complètement paniqués puisque ça a fonctionné. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Et on se pose encore la question, est-ce qu'on va recommencer ou pas ? Oh bah moi j'ai la réponse, hein, c'est pas long. Hein, Mais juste à tous ceux qui nous disent ouais c'est du fake et tout, je comprends parce que moi j'aurais pensé la même chose que vous si j'étais derrière ma radio. Et ben honnêtement c'est pas du fake, on a tous flippé, on a été boire un verre après parce qu'on en pouvait plus. Et sincèrement ça nous a retourné. Alors après est-ce que c'est les énergies des doigts qui ont fait bouger le verre ou que sais-je ? Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Oh moi j'ai beaucoup d'énergie dans le doigt. Là, Fun Radio. Un incroyable talent. Tous les les soirs ou presque, le fun, un incroyable talent permet un peu à l'équipe de dénicher de vrais talents parmi vous. Si vous avez du talent, Marion et Anne-Sor, funradio.fr, on prend tout le monde à l'antenne, on n'est pas regardant, donc allez-y, lancez-vous. Je t'ai jamais demandé, Marion, toi, si t'avais un talent particulier. Non, je crois qu'honnêtement, j'ai pas de talent, je sais pas chanter, je sais pas imiter, je sais rien faire, moi. Oui, mais ton talent, c'est d'être toi. Oh, et pour ça, j'ai envie de dire merci, la vie. Je t'en prie. Ce soir, c'est Benjamin qui a du talent. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, l'équipe. Ça va, Ben? Oui, ça va. Alors, on se dit quoi? Benji, Ben, la Bénuche, le Bajou? Benjamin. D'accord. Okay. Casse notre délire, mec. Aucun recul sur lui-même. T'as quel âge, Benjamin? J'ai 22 ans. 22 ans et tu habites où? À Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan. D'accord. Ok. Quel est ton talent alors? Je fais du beatbox. Ah, c'est bien ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de beatbox. On en a vu un dans The Voice Kids samedi soir. Trop mignon. Qui était très très bon d'ailleurs. Ouais. Qui a été dans quelle équipe déjà? L'équipe de la personne. Ouais, je crois que c'est plus. Patrick Fury, ouais, enfin, bref. D'accord. Tu fais ça depuis longtemps? Depuis un an. Ah, donc c'est un peu récent. Oui. Ok, et est-ce que tu fais des représentations quelque part? T'as une chaîne YouTube, un truc ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon, et eh ben écoute, si jamais ça marche bien ce soir, faudra peut-être y penser. Oui, oui, oui. T'as préparé quoi pour nous, Bichon? Ben en fait, je vais vous faire deviner deux titres. Ouais. Voilà, et après je vais faire ce que je sais faire. Ok, donc un petit blind text beatbox quoi. Ouais, c'est oui, ça. Il y en a deux, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y en a deux. C'est un okay. Petit blind test. Ouais. Un micro blind test. Allez, on y va, Benjamin, on t'écoute. D'accord. Anso, Michael Jackson. Ah oui. C'est ça. Ah, c'était pas mal. Continue un peu. Benjamin, tu craches en même temps. C'est pas mal, elle a reconnu vite, hein. Ouais, ok. Oui. Deuxième titre. Bah alors là, c'est très court, non? Benjamin, j'ai pas du tout reconnu là. Moi, je crois que c'est 50 Cent. Oui, c'est ça. Mais quel tricheur! Arrête, Amir! Mais lequel morceau de 50 Cent? Lequel, Amir? Ah mais non, il y a avec le standard. Pas du tout, c'est... Excuse-moi, je suis dans ce studio. Oui, Enzo, standard. Grâce à Yannick, il m'a dit que c'était Candy Shop. D'accord. Eh ben, j'ai pas du tout reconnu, moi, mon pote. Moi non plus, mais le Michael Jackson, je l'avais quand même. Benjamin, tu vas nous faire quoi? Ta petite phase de ce que tu as préparé tout seul? Oui, c'est ça. Ok, vas-y. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, si. Ah ouais, j'aimerais bien te voir faire en fait. C'est hyper frustrant de ne pas avoir l'image avec. Moi aussi, je suis en train d'imaginer sa langue qui n'arrête pas de rouler. Et alors, juste, t'as appris ça comment? Tout seul avec des vidéos? Oui, voilà, tout seul. D'accord. Bon, bah écoute, Benjamin, c'est pas trop mal. Après, il faut être un peu connaisseur. Moi, j'arrive pas trop à situer ton niveau en fait. Je sais pas si t'es bon, si t'es débutant, j'y connais rien. Moi non plus, je suis pas très très calé en beatbox. Alors que c'est vrai qu'en chant, moi, je maîtrise. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, poteau, on va voir si t'as réussi à convaincre les garçons, et bah Anso et moi là dans l'équipe. Si t'as les 5 oui, tu viens tout frais payer dans les studios de Fun, ok? D'accord. Allez, c'est parti. Enzo. Ouais. Thibaut. Moi, je dirais ouais. Amir. Non. Aïe, aïe, aïe. Anso. Non aussi. Marion. Moi, je dis oui, j'y connais rien, donc je laisse la place au doute. Alors, pourquoi non, les amis? Autant sur Michael Jackson. En fait, moi, Benjamin, mais m'en veux pas, hein. Vraiment, non. Tu m'en veux pas. En fait, moi, ça me porte à rire. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis en train d'imaginer des kilomètres de langue et des crachats pendant que tu le fais. Alors, je pense qu'il faudrait qu'effectivement, on te voit en vrai. Mais le beatbox, je suis pas hyper sensible à ce genre de truc. Mais je trouve que c'était quand même très bien. Hein. Ouais. Et toi, Amir, des réseaux sociaux? Bah, moi, le beatbox, je trouve ça cool. Mais il a pas de chance. Mais moi, je connais un mec qui en fait tellement bien et extrêmement bien. C'est son talent, il en vit. que du coup, bah, à cause de ce mec, pour moi. Mais non, enfin, attends, Amir, ça n'a aucun sens. Céline Dion, elle chante très bien. Ah oui. Mais Lara Fabian chante aussi très bien. Tu vas pas dire à Lara Fabian, tu chantes comme de la merde parce que Céline Dion chante bien. Bah, c'est un putain de bon argument. Bah oui, mais tu vois. Non, mais parce que bah, j'ai pas vibré, c'est tout, simplement. Okay. D'accord. Donc maintenant, il faut nous faire vibrer. Benjamin, moi, ce que je te propose, filme-toi et envoie-nous une petite vidéo. Comme ça, déjà, on la diffusera sur nos réseaux sociaux. Ça te fera de la pub. Et en plus, on pourra voir vraiment ce que ça donne visuellement et tout. Et je pense que ça peut être sympa. D'accord. Ok, on fait ça et puis bah bon bah tu viens pas tout faire payer dans les studios de Fun, mais on t'envoie un petit pack Fun, ce sent pas sympa. Oui bah oui. Avec une photo du studio, ainsi tu pourras bien nous voir. Et des faux billets de TGV. On t'embrasse mon bichon. D'accord, y'a pas de soucis. Bisous Benjamin. Et merci. Au revoir. Salut. Pendant un instant sur Fun Radio, on va parler d'un sujet qui intéresse absolument tout le monde. Vous êtes hyper nombreux à nous envoyer des messages là-dessus. Et c'est Anaïs de Lille qui veut savoir comment récupérer son ex. Oui. On va lui donner plein de conseils à Anaïs. Et puis, je sais pas vous dans l'équipe, mais moi j'aimerais bien qu'on essaye d'appeler son ex. Bah évidemment, on va essayer. 01 42 48 5000, si vous avez des conseils comment récupérer son ex, appelez-nous dès maintenant. On se retrouve juste après Major Lazer sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Le Night Show en direct comme chaque soir. Et je dis ça y est, on a tellement hâte de le recevoir. Ça fait un an qu'on le veut, c'est Black M qui sera avec nous. Je suis français. On lui a réservé du lourd à Black M. Si vous avez des questions pour lui, 01 42 48 5000, ça marche aussi par mail. marion@funradio.fr, bah oui. Moi, c'est vrai que j'ai hâte aussi de le recevoir, Black M. Il est chou, c'est un beurre. Je t'aime. On a Anaïs, en tout cas, avec nous là maintenant, au 01 42 48 5000. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, ça va. Bon alors nous on sait ce qui t'arrive Anaïs, et ça nous plaît beaucoup parce que déjà ça nous concerne, Anso et moi on a déjà été dans ton cas, et on a très envie de t'aider. D'accord. Explique aux auditeurs ce qui se passe. Alors voilà, en fait je suis ressortie mois de février avec un ex copain d'enfance, on va dire, que j'ai flirté avec au collège et tout ça. Mmh. Et je lui ai laissé sa chance, en fait, pour que ça devienne un peu plus sérieux, là, au mois de février. Et en fait, ça a duré 4 mois, sauf que sur les 2 derniers mois, il m'a un peu prise pour une conne, si vous voyez ce que je veux dire. Bah non, il t'a trompé? Oui, voilà, en fait, il a embrassé une autre copine de son enfance, à l'anniversaire de son meilleur ami, dans une autre pièce, alors que j'étais là. Oula. Ah oui, oh, c'est pas, c'est goujat ça. Ouais. Et ensuite, il s'est inscrit sur un site de rencontre sur qui est connu. Et ben voilà, en fait, après, il s'est mis avec une meuf du site. Ah oui, pendant qu'il était avec toi. Il s'est mis sur Tinder. Ah, il m'a, non, sur le vous. D'accord. Oh là, en plus. Ouais. Et donc, il s'est mis avec une fille, enfin, juste en me quittant. En gros, il avait prévu son coup, quoi. D'accord. Donc, il t'a quitté, il s'est mis avec cette fille. Oui, voilà. Ok. Et là, ça fait pas très très longtemps qu'ils sont plus ensemble, mais je suis pas censée être au courant. Voilà. Et toi, t'as envie de ressortir avec lui? Ben, disons que j'aimerais bien lui laisser sa chance quand même, ouais. Mais attends, Anaïs, ma première question, c'est pourquoi t'as envie de lui laisser sa chance? Parce que globalement, le mec, il roule une pelle à une nana dans une soirée, dans la pièce d'à côté, alors que t'es là. Il s'inscrit volontairement sur un site pour rencontrer une meuf. Enfin, quand même, il est cumul en termes de salaud. Ben ouais, ben moi, après, j'ai tout appris par son meilleur ami pendant que j'étais avec, en plus. Ouais, non mais alors attends, tu dois être sacrément amoureuse, Bichette, parce que moi je savais que t'avais envie de récupérer ton ex, c'est ça, je peux le comprendre, mais je pensais que c'était toi qui avais déconné, tu vois. Là, c'est lui qui a fait la merde, en fait, toi t'as rien fait du tout. Ah non, j'ai rien fait du tout, mais lui il croit que j'ai fait des choses parce qu'on lui a raconté des trucs en même temps. Oh là là, mais quelle histoire, mais t'as pas envie de repartir à zéro avec un mec bien, ouais. Il a pas tout se passé chelou. Bah, je sais pas, après c'est, voilà, les sentiments qui partent. Ouais, bon. De toute façon, Anaïs, on ne juge pas. T'es dans un sacré bourbier, mais on juge pas. Voilà, on va t'aider avec Marion, il n'y a pas de problème. Et vous, appelez-nous là si vous avez des conseils à donner à Anaïs, 01 42 48 5000. Alors, ce que je te propose, Anaïs, on va essayer de te donner des conseils de vraies techniques pour le récupérer. Et si ça te dit, nous, on l'appelle avec Anso tout à l'heure, là, dans quelques minutes, pour essayer de le convaincre et parler avec lui. Ouais, ok. Après, moi, je suis d'accord, mais je vous promets pas qu'il répondra, ou alors je vous promets pas qu'il répondra poliment. Voilà. Ah bah c'est pas grave. Après, nous, tu sais, on a l'habitude. Hein, c'est plus pour toi. Hein. Puis je te cache pas que s'il répond pas très poliment, il va être bien reçu. Hein, t'inquiète pas, Anaïs. Hein, je crois que là. Ouais, enfin, attention, Anso, le but c'est qu'il se remette avec Anaïs. Hein, va falloir mettre de l'eau dans son vin. Hein. Ouais, puis le but c'est peut-être qu'il arrête d'être un peu moins con aussi, quand même, non? On est d'accord. Voilà. Mais on va trouver une solution. En même temps, j'ai plus du tout de contact avec aussi. Hein, je voulais dire, voilà, il m'a bloqué de Facebook, tout ça, donc. Ah, ça sent bon. Mais cette histoire, ma chérie, je sais pas si j'ai envie vraiment que tu te remettes avec lui, mais enfin bon, on va faire le maximum. Vous appelez-nous et puis ben on va faire le tour de l'équipe là. Anso, déjà, est-ce que tu as réussi à récupérer un ex? Alors moi, j'arrive déjà pas à récupérer un mec qui est pas mon ex. Parce que moi, je passe mon temps à ça, à acheter des bouteilles à la mer qui ne prennent pas. Non, j'ai jamais réussi de récupérer un ex. Moi, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Alors moi si, mais moi contrairement à toi Anaïs, c'est moi qui avais déconné et donc voilà, dans ces cas-là, il y a un truc à faire, c'est ravaler sa fierté et s'excuser platement. C'est-à-dire qu'il faut se montrer le plus sincère possible et dire avant c'est avant, j'ai fait de la merde, maintenant j'ai envie de repartir sur de bonnes bases, laisse-moi une chance et tu vois, de vraiment construire un argumentaire autour de tout ça. Et surtout, t'es censé bien connaître ton ex, donc tu sais ce qui doit lui faire plaisir. Tu sais s'il aime les petits restos, tu sais s'il aime les cadeaux, s'il aime les fleurs, donc... T'essaies, tu vois, d'accompagner ton argumentaire avec une petite attention. Et moi, ça avait fonctionné à chaque fois. Sauf qu'à chaque fois, je me rebarrais. Donc forcément, au bout d'un moment, il m'avait dit merde. Bon, ce que je peux comprendre. Hein. Mais dans ton cas, ma chérie, t'as pas vraiment besoin de t'excuser puisque t'as rien fait. Tu vois. Donc c'est compliqué. Ouais. Ah, c'est bon. Puis lui, il les a cumulés quand même. Hein. Il a un argument dans le sens où, en fait, il a reçu un message d'une de ses ex. Donc après, bon, lui, il le croit ou il le croit pas, ou alors il essaie de me faire croire qu'il y croit, je sais pas. Comme quoi, elle lui a dit en fait qu'elle m'avait vu en boîte et que je m'étais fait sauter dans les toilettes. Oh bah bien sûr, crédible en plus. Ouais, puis ça a l'air d'être bien ton style en plus, Anaïs. Non mais n'importe quoi. Sinon, Anaïs, je suis tombée sur un site qui s'appelle jerecupèremonex.com. Ah ouais, qui est quand même une grosse escroquerie. Hein. Mais c'est abusé ce truc. Hein. Non, parce que c'est payant, il faut savoir. C'est combien? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vu une vidéo, puisque connaissant ton problème, je me suis dit, je vais l'aider comme ça. Donc, je suis allée voir. Donc, il y a un mec qui dit, j'ai assisté à une conférence pour vous. Donc, j'ai réussi à vous trouver 1h40 de vidéo pour vous expliquer comment récupérer votre ex. Un truc qui marche à tous les coups, un truc scientifique. 47€ pour visionner la vidéo d'1h40. Non, quoi. C'est pas possible. C'est quand même hallucinant. Donc, tu l'as pas visionné? Évidemment non. Non. Sur, apprends-le, je suis déjà à découvert. Voilà, non mais n'allez pas sur ce genre de site, ça ne sert à rien. Appelez-nous au pire, on vous donne 2-3 conseils. Mais honnêtement, il y a que vous qui devez savoir ce qu'il faut faire pour récupérer un ex, parce que vous êtes quand même le mieux placé. Vous le connaissez. Ouais. Donc voilà, mais en général, faut vraiment s'excuser. Ça sert à rien de revenir en disant ouais, mais toi aussi t'as déconné, machin. Non, ravalons sa fierté. On a du monde au standard pour toi, Anaïs. Il y a Julien de Paris qui est avec nous. Bonsoir, Julien. Bonsoir les filles. Bonsoir les beurs. Salut. Ça va, Juju? Ça va et vous? Bah très bien, raconte-nous tout. Est-ce que toi aussi tu as déjà dû récupérer une ex? Ah oui, parce que moi en fait j'ai une peur phobique du vide, j'ai le vertige. Et mon ex était fan de tout ce qui est hauteur, soit en parachute, aller visiter tout simplement la tour Eiffel. Et pour moi c'était impossible. D'accord. Et donc, au bout d'un moment, elle en pouvait plus parce qu'elle voulait vraiment faire des trucs à deux. Et moi, à chaque fois, je lui disais non, je restais tranquillement à l'appartement. Et au bout d'un moment, clash sur clash sur clash, elle en a eu marre. Et donc, elle m'a quitté. À cause de ça? Ouais, elle en pouvait plus. Elle était vraiment fan de tout ce qui est saut en parachute, vraiment tout ce qui est vraiment de la hauteur, rien que la grande roue à Paris. Rien que tout ce genre de choses. Et moi, c'était impossible, impossible. Mais donc, c'est quand même stupide, quand même, quitter que pour ça, on est d'accord, des villes. Ouais, mais après, quand c'est une passion, j'ai pas pu faire le poids contre la passion. Mais il y a 2 mois, je l'ai recontacté. Et je lui ai dit que j'étais prêt à faire des efforts et tout ça. Et donc, je lui avais prévu toute une soirée sur Paris où on est allé au restaurant et tout. Et après le restaurant, on est allé à la Grande Roue. Et j'ai réussi à faire la Grande Roue. J'ai pris sur moi et on est allé faire la Grande Roue. Et depuis ce temps-là, on a refait des choses ensemble. On a fait un saut à l'élastique. Attendez, les gars, il a fait la Grande Roue. Non mais mon gars, c'est énorme parce que la Grande Roue, c'est quand même le truc le plus tranquille du monde. Ça va à 2 à l'heure, tu fermes les yeux, tu vois rien mon gars. Non mais quand même, c'est hyper haut, attends. Bah c'est haut, mais bon, ça va. Surtout que maintenant c'est hyper sécurisé, il y a du plexiglas partout. Non mais c'est bien, franchement c'est une belle preuve. Après moi je trouve ça dur de sa part de t'avoir lâché comme ça, t'avoir largué parce que t'avais des phobies. Franchement c'est dur. Mais si toi t'as été capable de lui prouver tout ça et maintenant de faire du saut à l'élastique, c'est bien. Bravo Julien. Ouais, il faut essayer d'avancer et puis on s'est remis ensemble et tout va bien maintenant. Donc pour Anaïs, c'est ça, il faut qu'elle arrive à mettre le sujet à plat et qu'ils aillent de l'avant si elle veut vraiment se remettre avec lui. Ouais, ou alors une petite grande roue et puis voilà, elle a fait rien de ça. C'est ça, une grande roue, c'est bon. Julien, on t'embrasse, merci de nous avoir appelés. Merci, bisous les filles, bisous les filles. Bisous. Anaïs, tu restes avec nous puisque dans un instant, on va essayer de reconquérir ton ex. Oui, sur Fun Radio. Et puis vous continuez de nous appeler si vous avez des conseils pour Anaïs. 01 42 48 5000. On vient tout de suite. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Ferdinand, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno sur Fun Radio. Ça suffit, mec. Ferdinand, on ne sait pas ce que tu es en train de faire au téléphone. Génial, hein. Si, justement, on sait. C'est ça qui nous gêne, en fait. Tu m'as envoyé une facture de 206 euros. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture d'un hôtel à Noirmoutier avec ma copine. Et si c'est très joli, Noirmoutier. Oui, et il y a eu le film Coup de foudre à Noirmoutier. Voilà. Ferdinand, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Ah, c'est gentil, c'est génial. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Demain au cinéma. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Samedi soir, au club 801 à 3. Let's go. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Retrouvez le DJ Fun Radio Nils Van Zandt en DJ set exclusif. Welcome to Party Fun. Party Fun Club. By Nils Van Zandt. Au club 801 à 3. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Événement Fun Radio. Dimitri Vegas and Like Mike. Bringing the Madness. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace. Le meilleur duo de DJ au monde emmènera son Madness à Anvers en Belgique à 4 reprises. Info et tickets via livenation.be. Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Un très gros dossier là, puisqu'on doit aider Anaïs à récupérer son ex. Alors je vous refais la situation. Anaïs, elle a 22 piges, elle est séparée de son ex depuis quelques mois. Avec Anso, on n'est pas trop motivé pour récupérer le dose, puisque c'est lui en fait qui a déconné, hein. Le mec, il a quand même embrassé une autre nana quasiment sous son nez, il s'est inscrit sur un site de rencontre, tout ça, mais enfin bon, elle a envie de retourner avec, c'est son choix. Du coup, nous avons décidé de l'appeler dans quelques minutes. Est-ce qu'il va décrocher ou pas? C'est la question. Il s'appelle comment ton chéri, enfin ton ex-chéri? Axel. Anaïs, il y a Marie qui nous a appelé de Lille. Peut-être qu'on peut avoir son avis avant d'appeler Axel. Tout à fait. Ouais, okay. Bonsoir Marie. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Anaïs. Salut Marie. Alors moi, voilà, mon conseil c'est... Enfin, déjà, je te raconte mon histoire. J'étais du coup avec mon ex depuis 2 ans. Mm-hmm. Mais ça s'est un petit peu essoufflé. Donc on a vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour de notre relation. Donc on s'est séparés. En bon terme, déjà. Mmh. Et du coup, bah, après, j'ai vraiment posé le pour et le contre parce que, bah, il me manquait quand même. Donc, je me suis posée sur une seule, je me suis remise en question, j'ai vraiment posé qu'est-ce qui m'a attirée chez lui, qu'est-ce qui me déplaît, j'ai tout posé, vraiment bien, vraiment se poser, vraiment. Pas genre à la vas-y, toi, voilà, mais il y en a. Vraiment le pour et le contre. Si t'as plus de pour, bah, t'y vas. Par contre, si t'as plus de contre, et avec ce que j'ai entendu, je pense que t'en as pas mal. Et je pense qu'après, il faudra un petit peu lâcher l'affaire. Mais voilà, pose-toi vraiment et... Ouais, mais Marie... Qu'est-ce qui t'attire, quoi? Tu te doutes bien que si elle nous a appelé aujourd'hui et qu'elle est d'accord pour qu'on appelle son ex, c'est qu'elle, clairement, dans sa tête, il y a plus de pour et les sentiments sont là. Donc c'est facile, les pour et les contre. Mais quand t'es amoureuse, tu vois... Bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle se pose, qu'elle essaye. Parce que là, oui, c'est les sentiments qui parlent, je peux comprendre. Parce que moi, du coup, je me suis remis avec mon ex et ça fait 6 mois maintenant qu'on est ensemble et que tout va bien. Et comment t'as fait pour te remettre avec lui, alors? Bah du coup j'ai vraiment posé, j'ai réfléchi et du coup on a bien parlé tous les deux, on a mis les choses au clair. Et on a parlé de ce qui me plaisait pas et pareil, il a fait pareil de son côté. C'est vrai que la communication c'est la clé. Mais c'est vrai, un pas vers l'autre, moi je dis toujours. Ah c'est vrai. T'as raison. Mais c'est vrai Marie. Marie par contre t'es en train de faire un jogging en même temps que tu nous appelles, là t'as l'air hyper essoufflé. Ah non du tout. Ah d'accord. Et du coup aujourd'hui vous êtes heureux, tout va bien? Voilà, tout va bien, ça fait 6 mois qu'on est ensemble et tout va bien. Bon, bah, c'est plutôt un message d'espoir, ça c'est bien. Mais voilà. Anaïs, est-ce que ton mec, il est du genre comme ça à parler, à poser les choses, il est dans la communication ou pas du tout? Ben, disons pas trop, parce que c'est monsieur qui veut toujours avoir raison déjà. Ouais. Pour pas qu'on lui fasse des reproches. Et en fait, le truc, c'est que moi, je veux lui laisser une chance parce que je me dis, il a 20 ans. Ouais. Il est pas très très mature, il est pas très fut-fut en fait. Et je me dis peut-être qu'il a fauté et voilà, quoi, il a pas réfléchi quoi. Mais c'est vrai qu'Anaïs, on a tous très envie de sortir avec un mec qui n'est pas fut-fut. Hein. Bon, Anaïs, c'est parti, on appelle Axel. Est-ce que tu veux te lancer ou est-ce que tu veux que Marion et moi on y aille? Bah non, alors, on y va. Je préfère que vous y allez parce que j'ai vraiment peur. Si vous pouvez me rassurer, okay. Ce serait sympa. Bon, okay. On appelle Axel. Marie, on t'embrasse, ma chérie. Merci de nous avoir appelés. Je stresse pour elle. Moi aussi. On est tous là, Amir. Allô? Allô, Axel? Oui. Salut, Axel. Alors, ne prends pas peur. Je me présente, je m'appelle Marion. Ouais. Je suis avec Anso et on est animatrice sur Fun Radio. Bonsoir. Bonsoir. On t'appelle en fait de la part d'Anaïs, qu'on connaît très bien. Oh putain. Ouais, mais non, réagis pas comme ça en fait, parce que l'intention est super bonne. Anaïs, elle nous a appelé parce que... Bah quoi, Anaïs, elle nous a appelé parce que voilà, elle nous a dit très sincèrement et très clairement que elle avait encore un kiff pour toi, qu'elle t'aimait beaucoup et qu'elle aimerait bien redonner une chance à votre relation. Donc nous, on voulait juste savoir ce que t'en pensais et voilà, pourquoi ça s'était fini comme ça, quoi. Ah ben... Parce que c'est pas une fille pour moi, parce que c'est une fille superficielle et matérialiste, et moi j'aime pas ça, de toute façon mais j'ai trouvé quelqu'un et mais Axel, c'est très bien c'est qui. Axel, c'est vrai que t'as l'air quand même beaucoup plus évolué, hein, effectivement, d'après ce que nous a dit Anaïs, tromper sa meuf comme ça une soirée, c'est vrai que c'est hyper intelligent, Axel. Hein. Bon, il a embrassé, on va pas non plus l'agresser direct. Non, bien sûr. Après, vous êtes pas là pour me juger non plus. Mais non, on n'est pas là pour juger, je suis d'accord, mais juste, effectivement, t'as pas été, toi, très réglo tout le temps. Donc, voilà, elle a rien fait de mal. Tu sais, les SMS que t'as reçus, la concernant, comme quoi elle se serait fait sauter aux toilettes, machin, tout ça, c'est du fake, en fait. Donc, si toi, t'es, voilà, à un moment donné, il faut faire la part des choses, elle a jamais rien fait, elle a pas bougé une oreille. Nice. Donc... Après déjà désolé de vous couper hein, mais bon quoi? Moi personnellement mon feu y est fait quoi, je ne tournerai pas avec, mais elle le sait très bien, donc il faut qu'elle arrête ses petits délires de radio et tout parce que moi ça me saoule. Non mais je comprends, après hein, tout le monde n'aime pas être dérangé comme ça. Nous on avait envie de l'aider parce qu'elle est archi cool, elle est sympa et que voilà, elle méritait d'avoir une autre chance. Après si toi tu veux pas, nous on va pas te forcer hein. Ah non, bah je sais, mais non, je veux pas. Oui, bah le forçons peut-être pas. Hein. Et tu veux même pas lui parler, parce que là, elle est en ligne, donc peut-être dis-lui les choses clairement et sois un peu sympa avec elle, parce que je pense que t'as pas été toujours très cool, donc tu pourrais au moins finir les choses gentiment. Ouais. Parce que elle le sait déjà, donc j'ai rien à lui dire. Non mais tu veux pas juste être classe deux secondes, Axel, tu vois, ça fait du bien à la vie, hein. Sois sympa. Eh non, mais déjà, vous m'appelez là et après vous me forcez à lui parler, que si on a rien à foutre. Mais on te force pas, nous, mec. Tu sais, tu peux nous raccrocher au nez si t'as envie. Hein. On n'est pas là pour faire chier les gens. Je crois que c'est ce que je vais faire. Bah, parce peut-être, que vous comprenez pas, voilà. Peut-être fais-le que ça me soulage un peu, Axel. Bon, Axel, on va pas te faire chier plus longtemps. Il est encore là? Ah oui, il est là. Juste, ça serait sympa quand même que tu montres un petit peu de respect à Anaïs. Elle est là, elle a rien fait de mal, la meuf. Elle voulait juste donner une chance à votre relation. Tu veux pas, basta. Tu lui dis gentiment et ça s'arrête là, en fait. Elle le sait, putain, j'ai retrouvé quelqu'un et tout, alors qu'elle a l'objet de casser les pieds. Il a retrouvé quelqu'un. Ah, et comment elle s'appelle? Ah, bah, elle la connaît très bien, je pense qu'elle aura pas besoin de savoir son numéro pour savoir c'est qui. D'accord. Ah, parce qu'en plus, t'es assez classe pour te taper quelqu'un qu'elle connaît bien en plus. Ah, c'est pas vraiment qu'elle connaît bien, c'est plutôt elle la connaît par rapport à moi, quoi. J'ai déjà été avec cette personne et. D'accord. C'est-à-dire que, bah, ça. On s'est retrouvés, donc voilà. Hein. Ok, bon, bah, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Ouais, exactement. Allez, bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Longue vie sur la route du respect, hein, Axel. On t'embrasse. Ouais, non, mais là, on a coupé court parce qu'en fait, Anaïs. Ah non, mais là, je sais qui c'est en plus, hein. Enfin, je pense savoir. C'est qui? Mais c'est la fille d'anniversaire. Non, mais chérie, ce mec, je vais te dire franchement, moi, je juge pas, hein, y a pas de souci. Il a raison, Axel, hein, il fait bien ce qu'il veut de sa vie, mais ce mec, il manque vachement de respect, quoi. Ah non, mais franchement, moi, je me permets de juger parce que je te le dis, c'est un pauvre type, Anaïs. Je te le dis, mec, il est capable de te manquer de respect en roulant une pelle à une autre meuf. Il s'inscrit sur des sites de rencontres et il est même pas foutu de s'excuser deux secondes avec toi au téléphone à la radio. C'est un mec que tu mérites pas. Hein, mais elle a rien à perdre. Qu'il ne te mérite pas plutôt. Ouais, c'est vrai. Anaïs, il y a plein de mecs qui sont hyper respectueux, qui vont être fous amoureux de toi et qui vont te sublimer là. C'est pas le cas. Et puis surtout, chérie, on peut pas forcer les gens. Donc à un moment donné, il a refait sa vie, il a tourné la page. Maintenant, t'es obligé d'accepter, tu vois. Ouais, mais bon, de toute façon, je vais avoir des explications quand même, parce que cette fille, si elle me lasse à l'envers, ça va pas le faire. Ouais, non, mais règle ça de ton côté. Mais voilà, à mon avis, éloigne-toi d'eux. Franchement, c'est malsain, ouais. Tout ça. Puis en plus, on l'a eu au téléphone, franchement, il en avait plein le nez, il se mouche pas. Ça s'entend. Ça s'entend, donc éloigne-toi d'eux, parce que tu vas choper un rhume, Anaïs, merde. Attention, Anso, les goujats, elle aime pas. Ah non, mais moi, je suis là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis très, très énervée. Anso, moi, je me mets juste à la place d'un mec comme ça, qui se fait déranger en pleine soirée, qui est sur la radio devant tout le monde. Il faut aussi se mettre, on sait pas ce qui s'est passé. sait, peut-être que Anaïs, elle a fait des conneries, elle a fait des grosses crises de jalousie et tout. Il faut pas toujours juger trop vite. Il a pas été respectueux. Non, mais juste mais... l'avoir au téléphone, c'était juste ça mangeait pas de pain en fait. Hein. Il pouvait juste faire ça. Je suis d'accord, mais toi, on t'aurait appelé comme ça à la radio. Est-ce que tu l'aurais fait avec un ex? Peut-être pas si t'avais saoulé. Si, en fait. C'est juste, ça s'appelle juste de l'intelligence en fait. Hein. Oh là là, mais elle est remontée comme un coucou. Mets-moi ça, mais vous savez à quel point ça peut m'énerver, moi. Heureusement que t'étais là, Marion, parce que moi, je me serais fait. Le mec, il a rien demandé. Donc, effectivement, il est pas fut-fut, mais on peut pas non plus tout lui remettre sur le dos. Voilà, maintenant, nous, ce qu'on te dit, c'est tourne la page. Next. Bah ouais, je vais pas avoir le choix. Hein. Mais oui, ma chérie, non. Tu mérites mieux, t'es adorable, t'es gentille, t'as l'air intelligente. Je sais pas comment t'es physiquement, mais sans déconner, tourne la page. Anaïs, t'habites où? Parce en fait, que. On s'est vu au Christmas Tour à Lille. Mais on a vu beaucoup de gens qui se souviennent. On va essayer de retrouver les photos, tout ça. Mais bon, t'es jolie, tu plais aux garçons. Oui. Voilà, Anaïs. Puis tu sais, nous en ce moment, on cherche une meuf pour Jean-Marc de Toulouse. Donc si t'as besoin, nous on a des gens sous le bras, quoi. D'accord. Bon, t'inquiète pas, on sera là si jamais t'as besoin. Mais surtout, tourne la page, ok? Ouais, ok. Allez, bonne bise. On t'embrasse, Anaïs. Bisous, ma chérie. Ouais, merci. Salut. Bisous à vous. Je vous propose qu'on retrouve joie et bonne humeur dans un instant sur Fun Radio avec le Pourquoi tu m'appelles. Ah, joie et bonne humeur. Pour vous inscrire, c'est toujours pareil, Marion et Anne-Sor@funradio.fr. Je vous promets que là, on va se lâcher sur les handicaps, on va se marrer. Et ça, ce sera juste après Cigala sur Fun. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Le Night Show, on est en direct ensemble jusqu'à minuit. Et c'est quoi le Night Show? Bah c'est du bon son aussi hein. Ah oui. Le tout nouveau Martin Garrix va débarquer dans un instant. In the name of love. Ce qui veut dire au nom de l'amour. Voilà, c'est ça. J'allais dire pour l'amour du risque. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Est-ce que vous voulez une anecdote sur Martin Garrix ? Ouais. Oui, vas-y. Eh bien, une fois, il est venu ici à la radio, puisque c'est la radio des DJ, donc ils passent tous ici. Eh bien, sachez qu'il ne boit que du coca rouge, le vrai coca, tu sais ? Quoi ? Il avait demandé, on lui avait demandé ce qu'il voulait boire, il a demandé du coca, mais il voulait absolument qu'il soit rouge. Voilà. Ah oui. Hein, si vous voulez briller en société, vous me dites. Hein. J'ai plein d'infos sur les artistes. Pourquoi tu m'appelles ? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Non, mais je t'appelle pas, connard ! Bah, je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et si vous découvrez ce jeu ce soir pour la première fois, eh bien sachez que vous allez kiffer. Ouais. Pourquoi tu m'appelles, tout le monde nous l'envie. En gros, c'est très simple. On appelle au hasard en France quelqu'un. Le but est de dire pourquoi tu m'appelles et de rester le plus longtemps possible. Si vous battez, bah, soit Anso, soit moi, vous repartez avec votre casque DJ. Facile. Et c'est Anthony à Montauban qui joue avec nous ce soir. Bonsoir, Anthony. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là. Alors, Anto, raconte-nous, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, petit homme ? J'ai 16 ans et je fais du cheval. Oh, t'es mignon, tu fais du cheval, d'accord, mais tu vas en c'est cours ma passion. Aussi. Oui, je vais en cours, oui, oh, bah, bien sûr, oui, oui. Ok, parfait. Bon, Bichon, tu veux faire quoi plus tard de tout ce qui est équitation, tout ça ? Non, travailler dans les animaux. Travailler dans les animaux, d'accord. Mais tu c'est avec ça. Les animaux, avec les animaux, pardon. Ouais, parce qu'à l'intérieur, ça s'appelle donc de la zoophilie. Tu veux jouer contre qui ce soir ? Contre Anso. Contre Anso, d'accord. Bon, alors laisse-moi réfléchir. J'aimerais trop qu'on handicape qu'elle fasse l'accent du sud, mais forcé, en fait. D'accord. Tu te sens ou pas ? Anthony, Anthony, tu me mets un peu dans la mousasse, hein, quand même. Merci. Vous avez le droit de choisir des handicaps aussi. On va essayer de se faire ça, Anso. Ok. Ok. Bon, Anthony, c'est parti. Je me lance d'abord. Comme ça, tu pourras voir un petit peu combien de temps je fais. Par contre, je ne maîtrise pas du tout l'accent du sud. Hein. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Merci, Thibault Larrea, pour les cigales. Anthony ? Allô ? Allô ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles ? Allô ? Allô, bonsoir, madame ? Oui. Gendarmerie nationale ? Bien sûr. Pourquoi tu m'appelles ? Et toi, pourquoi tu nous emmerdes ? Ah, ben, madame, mon téléphone vient de sonner. Ben, c'est d'un temps. Ah, ben, écoutez, c'est pas nous. Je ne mange pas de ce pain-là, hein ? D'accord, ben, nous non plus. Ne dérange pas les gens comme ça, hein ? D'accord, ben, nous non plus. Alors, eh ben, moi non plus, alors pourquoi vous agacez ? Et alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis partie sur Gendarmerie Nationale parce qu'ils ont tous l'accent du Sud. Est-ce que tu veux savoir ce que j'en ai pensé ? Vas-y. Moment très gênant. J'adore. Bon, et c'était pas si mal parce qu'il t'a un peu pris au dépourvu, notre Anto. Effectivement, tu le tiens pas. Non, ben bah voilà, Thibaut, alors, combien de temps j'ai fait ? T'as fait 38 secondes. Aïe, aïe, aïe. C'est médiocre. Hein, Moi, je trouve qu'elle le fait bien, Anto, quand même. Bon, bah, t'es gentil, toi. Mère aussi, un Anthony, on y va. On appelle au Calo Copa en France. Je suis stressée, maman. Mais non. Non. 38 secondes, c'est donné. Hein. Ouais. J'ai tellement rire qu'il fasse 20. Oh putain. Oh putain, con. Allô, oui. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi tu m'appelles ? Allô ? Oui. Je sais pas, mon téléphone vient de sonner et je dis allô et voilà. Ah non, mais moi, je n'ai pas appelé. Vous êtes chez quel opérateur ? Moi, c'est Orange. Il faudrait peut-être les appeler, ou je sais pas, mais parce que j'ai reçu un appel de vous et c'est bizarre quand même. Ah non, on n'a pas appelé. Et tant que j'y suis, je vais une PS4, ça vous dit ou pas ? Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas des petits-enfants ou qui seraient intéressés ? Non, non plus. Mais sinon, pourquoi vous m'appelez ? Ah ben, je ne vous ai pas appelé, moi je décroche, moi. C'est bizarre parce que moi aussi, je décroche. Non, moi je décroche, ça fait appel masqué et puis voilà. C'est bizarre quand même, ça faudrait le prévenir. Mmh. Non, faites quoi dans la vie ? Ah, moi je suis commerçant. D'accord. Dans quoi ? Alerte info, d'après une étude scientifique américaine, il semblerait que nous subissions un moment terriblement chiant. Allô ? Il a raccroché avec l'alerte chiant. Ah ouais, c'était un peu chiant. Mais dis-moi, Anto, on se demandait avec Anso, on t'a déjà eu à l'antenne ? Je sais plus, honnêtement, je m'en rappelle plus. Mais si, t'as déjà fait des pourquoi tu m'appelles, Bichon. Et t'avais perdu à chaque fois. Ouais, c'est ça. Oui, je perds. Ah oui, je perds à chaque fois, c'était pénible. Bah oui, alors, Thibaut à l'arrière, il a fait quand même tantôt. 1 minute et 2 secondes. Oh, mais non ! Anthony, enfin, c'est gagné ! Ouais ! Ouais ! Alors, ça vous prouve bien qu'on n'est pas très regardante sur le nombre de participations du pourquoi tu m'appelles, pourvu que vous finissiez par gagner, en fait. Ouais. Mais en fait, j'étais stressée, du coup, je savais pas quoi dire. Mais non, mais c'était pas si mal, Bichon. Tu t'en es bien sorti, tu repars avec ton casque DJ. Ben merci beaucoup, en tout cas, je suis trop content de vous avoir retrouvé depuis que je vous écoute, là, ça fait trop du bien. Oh, c'est trop mignon, Anthony. On t'embrasse et... J'y pense tous les jours, j'aimerais trop vous voir, mais en fait, je promets que j'habite trop loin. Ah bah oui, Montauban, c'est vrai que ça fait une petite trotte. En cheval, ça passe. Ouais, j'irai au galop. Voilà, sur l'autoroute en plus, ça va être bien. Mais j'aimerais trop vous rencontrer, en fait, parce que je suis fan de vous et... On va s'organiser ça, Anthony, y a pas de soucis. Ok, si tu... C'est possible que vous me follow sur Twitter ou pas, s'il vous plaît. Et on lui donne ça, il prend ça, lui, hein. On va te faire ça, il n'y a pas de souci, tu donnes ton mail. Mais je suis fan de vous, c'est pour ça, je vous écoute tous les soirs et du coup, voilà. T'inquiète, d'accord. On va s'organiser ça, Anthony. On t'embrasse, on t'envoie ton casque. Merci beaucoup, en tout cas. Et bon courage dans la poursuite des études dans les animaux, hein. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. Le Pourquoi tu m'appelles revient demain sur Fun Radio et dans un instant, on va vous parler d'une opération qu'on organise avec des youtubeuses beauté. Ça va vous plaire, c'est sûr. On va aussi parler cul tout à l'heure. Ça, c'est pour toi, Anso, parce que je sais que ça te manque beaucoup. Ah bah oui, en ce moment, c'est le désert de Gobi. 0142 48 5000, on fait de la radio ensemble juste après Kungs sur Fun. Le Night Show, on est en direct et ça y est les amis, la vidéo du Ouija d'hier soir est en ligne. Oui. Ah enfin. Allez mater ça sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Alors je vous cache pas que vous allez flipper, mais c'est sympa, c'est du bon flip. Voilà. Non parce que flipper quand même, parce que qu'on soit pas comme des cons. Ouais. Avoir flippé que nous. C'est pas du fake. Non, c'est pas du fake. Et alors là, on va passer à autre chose, les amis, rien à voir. On vous l'avait promis, on va vous parler d'une opération qu'on organise. Oui. C'est avec le magazine Cosmo et on a justement, Le Monde est bien fait, une journaliste du magazine qui est avec nous. Elle s'appelle Chloé. Bonsoir. Salut, Chloé. Fille. Ouais, Chloé. Chloé. Chloé. Chloé. Chloé. Comment ça va? Bah ça va mieux, ça va bien, ça va. Alors déjà, laisse-nous te dire qu'avec Enzo, Cosmo, c'est un peu notre bible. Hein. Mais c'est exactement ce que je lui disais hors antenne. Oui. C'est-à-dire que je suis absolument fan de ce magazine, je lis tout, surtout les confessions hot. Et vous vous demandez pourquoi? Ben parce que c'est moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des petites infos sexes et tout, on les prend en général. Faut les envoyer. Dans Cosmo. Ouais. Bon, alors je sais pas si vous en avez aussi. Non, on a rien de spécial. J'en profite pour faire ma petite. Écoute, on verra si jamais on a un ou deux trucs croustillants, on t'enverra ça, ok? Merci. Bon, toi, tu viens nous voir pour nous parler d'une opération qu'on a organisée là depuis le 2 septembre. Tout à fait. Explique-nous. L'élection de la Fun Cosmo Girl de l'année. Donc, en fait, les équipes de Fun et de Cosmo se sont retrouvées et se sont mis d'accord sur 8 filles qu'on adore sur YouTube. Mm-hmm. Et maintenant, c'est aux lectrices et aux auditrices d'élire leurs préférées. Nous, c'est on a eu déjà du mal à les départager, donc. Ouais, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on en a choisi 8 avec Cosmo. On va vous les citer. En fait, c'est à vous de choisir votre YouTubeuse préférée. Et puis voilà, on va les recevoir dans l'émission. Tout ça, ça va être hyper sympa. Est-ce qu'on se fait la liste maintenant? Bah oui. Allez, allons-y. Alors, on a Andy Raconte, déjà, qu'on adore. On a Auria. On a Je ne suis pas jolie, qu'on a déjà reçu ici. On a le Muffisme, les Tutodan, Shera, Solange te parle et Elsa Makeup. Voilà, c'était pas facile, mais c'est celle qu'on a appris. On va vous les mettre sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, comment les gens font pour voter, Chloé? Alors, pour voter, il y a une page internet sur le site de cosmopolitan.fr/funcosmogirl ouais. ou sur funcosmogirl.fr. Okay. Et là, on peut voter jusqu'au 20 septembre. Voilà. D'accord. Et donc, on est d'accord, Amir, on va toutes les recevoir dans l'émission. Oui, on devrait toutes les recevoir dans l'émission. Super. Et on va passer un moment sexy chocolat. Ouais, ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Et celle qui est élue, elle gagne quoi exactement alors? Eh bien, elle gagne le titre de Fun Cosmo Girl de l'année. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est super. Du coup, j'imagine qu'elle sera dans le magazine un peu. Voilà, en mode... elle sera mise en avant dans le magazine. Peut-être réinvitée sur notre. Au top. Ouais, bon. La finaliste sera invitée dans l'émission aussi. Ok. Et je crois qu'elle va avoir des cadeaux aussi. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est pas pour nous, c'est pour elle. Mais donc, on peut pas se réinscrire, nous? Bah, j'ai pas de chaîne YouTube. Bah non, elle est con. Voilà. Bon, en tout cas, allez-y, vous avez jusqu'au 20 septembre pour voter. On vous met toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Et c'est cool parce que du coup, ça va faire de la YouTubeuse dans le night show, ça va faire de la vidéo sympa, on va se marrer. Il y aura de la meuf. Chloé, est-ce que tu veux rester avec nous pour le sujet qui suit? Ça te concerne aussi? Eh ben, écoute, ça me concerne avec plaisir. En fait, ça nous a inspiré puisqu'on s'est dit, puisqu'on parle youtubeuse, on va parler astuces beauté. Parce que c'est vrai, souvent dans leurs vidéos, elles parlent comme ça des trucs à faire pour être plus belle. Ouais. Du coup, on s'est dit 01 42 48 5000, venez nous raconter vos astuces beauté improbables. Mais on veut du truc farfelu. Hein. Et puis, vous dites pas, ouais, moi je suis un mec, j'ai pas d'astuces beauté. C'est faux. Les garçons ont des astuces beauté, venez nous les dire. D'ailleurs, les garçons de cette équipe ont peut-être des astuces. Ouais. Ah! Amir, des réseaux sociaux, est-ce qu'il a une astuce beauté, celui-là? Ouais, j'en ai une, mais est-ce que je dois vraiment le dire tout de suite ou pas? Oui, vas-y. Bah moi, en fait, je mets une fourchette au congélateur. Ouais. Je mets une fourchette au congélateur et après, je me mets sous les paupières, quoi, en gros, tu vois. Ah, pour les cernes? Ouais. Ah, bah alors c'est marrant parce que Chloé, je crois, de Cosmo, elle a même. Quoi. Mais avec mais une moi, cuillère. C'est plutôt cuillère, parce que fourchette, tu prends un peu des risques. Hein, ah ouais. D'accord. Ah, c'était peut-être une cuillère à la base, c'est vrai. Est-ce qu'avec la fourchette, tu peignes tes sourcils après avec? Eh voilà, ça y est, c'est parti. Tout de suite, on attaque le physique, t'as pas honte devant les gens comme ça. J'ai pas honte. Donc toi, Chloé, c'est ça, les cernes, la cuillère, quoi. Ah, moi, c'est la cuillère, c'est la cuillère. D'accord, t'en as pas d'autres? Très, très fraîche. Je me fais des masques à l'occasion, mais j'ai plutôt justement des confessions avec ce genre de choses. Genre le voisin qui vient chercher le sel juste au moment où t'as ton masque. Ouais. À moins d'où t'es grosse dégueu alors que le voisin est canon, quoi. Ouais. Anso, est-ce que t'as une astuce, toi? Bah, moi, ça concerne mes cheveux. Donc, tous les auditeurs vont dire que c'est faux parce que t'es toujours mal coiffée. Et c'est vrai, pour le coup, je suis très mal coiffée. Mais moi, je mets les masques de la nuit sur mes cheveux ou sur mon visage. Du coup, j'en fous plein les draps, donc je vous le déconseille. Hein, voilà. Ne le faites pas chez vous. Bah, surtout quand t'as un mec, quoi. Bah, comme j'ai pas de mec, ouais, tu peux le permettre. Hein, bon, bah, appelez-nous 01 42 48 5000, on parle des astuces barras. Moi, j'en ai une, mais je vous la dis pas tout de suite. D'accord. En attendant, je vous ai trouvé les astuces des stars. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les citer. Mm-hmm. Et chaque membre de l'équipe devra en tester au moins une. À vous de faire le bon choix. On a tout acheté au cas où. D'accord, d'accord, okay. Par exemple, Megan Fox boit du vinaigre de pomme pour maigrir. Est-ce que quelqu'un veut tenter l'expérience? Non, puis ça doit être sacrément relou à trouver, ça, du vinaigre de pomme. Bah non, je pense que t'en as chez Monop, tout ça, non? J'en ai, mais attention, dites pas non à tout parce qu'il y a des trucs bien plus relous que ça. Moi, hein. je prends. Ok. Le Cosmo, le prend. Okay. D'accord. Cindy Crawford s'asperge de lait pour avoir la peau douce. Est-ce que quelqu'un veut faire ça? Non. Non, ça m'arrange parce que le lait me dégoûte. C'est vrai. Julia Roberts trempe ses mains dans l'huile d'olive pour les protéger. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Moi je vais le faire. Ah merde. Ouais, c'est facile. Moi, je vais ça doit pas être ouais. agréable. Hein. Ça doit coller, mais moi, je vais le faire. Celui-là, Sandra Bullock, et tu vas prendre le prochain si tu veux. Okay. Sandra Bullock applique de la crème pour hémorroïdes sous ses yeux pour effacer les cernes. Ah ouais. Voilà, Amir, il va faire le prochain. Donc, moi, je vais faire l'huile d'olive. Amir va faire la crème pour hémorroïdes sous les yeux. Kate Hudson plonge son visage dans de l'eau glacée pour retrouver son éclat. Non, moi, je veux pas le faire. Demi Moore utilise des sangsues à usage médical. Quelqu'un veut le faire ? T'as pas de sens. Voilà, ouais. Ça m'arrange que personne ne passe. Snooki, qui est une star de la télé-réalité américaine, utilise de la litière pour chat comme exfoliant. Ah ouais ? Qui veut le faire ? Moi j'aimerais bien. Ok, litière pour chat pour Enzo, on est pas mal. Ouais. Oui, veut le faire. Lisa Rinna fait gonfler ses lèvres grâce à la cannelle. Alors je ne sais pas qui est Lisa Rinna, mais il paraît que c'est une star. Moi je veux bien le faire parce que j'adore la cannelle. Sur les lèvres ? Ouais, enfin je sais pas. Ok, non, comme tu veux. De toute façon, t'as dit oui, ça y est. Et il en reste qu'un, donc ça va forcément être pour Thibaut. Catherine Zeta-Jones met de la bière dans ses cheveux pour les rendre doux et brillants, Thibaut. Ah merde. Je prends. T'es content ? Ah oui. Ouais. Bien. On va se le faire, on va tester tout ça, on va voir l'air con, on va filmer pour la chaîne YouTube, ça va être sympa. Ah bah, tu sais, et dès que nous on peut filmer, on filme. Bah oui, je sais bien. Il y a Clarisse de Paris qui nous a appelé. Bonsoir à toi, Clarisse. Bonsoir tout le monde. Ça va, Clarisse ? Salut. Ça va super. Alors raconte-nous, est-ce que toi tu as une astuce beauté improbable ? Alors en fait moi j'ai les cheveux bouclés et tout simplement je fais fondre du chocolat au bain-marie pour me les lisser, donc je me mets comme un soin en fait, et après quand je les rince ils sont beaucoup plus lisses. Mais ça doit puer, mais c'est dégueulasse. Non, ça reste du chocolat, donc ça sent le chocolat, mais après faut bien rincer parce que du coup si tu le gardes trop sur les cheveux ça abîme les pointes. Du chocolat, c'est ce que d'accord. J'allais dire. Oui, Enzo, standard. Si tu te sèches les cheveux, du coup, ça fait un gâteau. Ça gonfle. D'accord, écoute, on testera. Il n'y a pas de souci, c'est plutôt pas mal. Et puis au moins, quand on fait fondre le chocolat, on peut en manger un petit bout au passage. Elle est pas folle, la guêpe. Mais tu sais quoi, Marion, tu testeras. D'accord. Clarisse, on t'embrasse, ma belle. Merci de nous avoir appelés. Gros bisous, je vous embrasse. Bisous. On a Sandy aussi à Draguignan. Bonsoir, Sandy. Salut Marion, salut Anso, salut tout le monde. Salut, c'était sûr que ça ferait réagir les filles, ça. Hein. Les garçons, appelez-nous, je veux un garçon sur ce sujet, 01 42 48 5000. Dis-nous ma belle, c'est quoi toi ton astuce ? Et là moi en fait, je me fais un masque une fois par semaine avec un mélange de blanc d'œuf et de marc de café. Oh. Et en fait, tu tournes tout ça, t'attends un peu que ça mousse et après tu te mets ça sur le visage et ça te permet d'avoir un teint lumineux et de prévenir les petites ridules qui apparaissent. Pas mal. Ça, c'est pas con, parce que le marc de café, en plus, ça doit servir de gommage. Ouais, ça fait ça aussi. Ça sert d'exfoliant, comme disent les esthéticiennes. Ok. C'est pas bête. Eh bien, écoute, on note et on essaiera aussi. Ah, je vous le conseille vraiment, quoi. Après, ça fait vraiment un bon teint et tu nettoies bien à l'eau tiède, une petite crème hydratante et nickel. Mais écoute, Sandy, je te propose d'ouvrir ton salon d'esthétisme. Hein. Nous y viendrons. On t'embrasse, Sandy. Oh, avec plaisir. Bisous, les filles. Bisous. Ciao, ciao. On a Louis aussi. Ah, tu vois. Un garçon. Bonhomme. Louis, d'ici les Moulineaux. Bonsoir, Louis. Salut, Marianne, salut toute l'équipe. Salut, mon pote. Ça va, Bichon ? Ouais, et vous ? Bah ouais, raconte. Est-ce que tu as un secret beauté, toi ? Alors ouais, moi vu que je fais beaucoup de la fête et d'ailleurs je suis fatigué, par exemple le secret c'est que bon c'est un peu dégueu, il faut uriner dans un bol. Oula. Il faut faut y ajouter un jaune d'œuf pour bien battre et ensuite pour prendre un pinceau et se l'étaler sur le visage et attendre 5 à 10 minutes. Ah oui, puis à la fin il faut mourir aussi. Mec. Mais attends, c'est-à-dire que tu fais vraiment ça, tu urines dans un bol ? Ouais, après une fête, quand j'ai des grosses cernes et tout ça, que je suis fatigué et que j'ai l'impression d'être fatigué, et ça s'enlève. Mais c'est dégueulasse. Mais et cela dit, je viens de taper sur Google. Sur Google. L'urine, le secret beauté pour avoir une jolie peau. C'est vrai, hein? Bien fait de l'urine pour la peau. L'urine, la nouvelle tendance beauté improbable. J'ai trouvé le remède miracle, le pipi. D'accord. C'est pas mal. Écoute, celui-là, je vais pas le tester, mon pote, mais merci de nous avoir appelé. Alors, tu mélanges urine et quoi? Et jaune d'œuf. D'accord. Mais c'est ta propre urine, on est d'accord, Louis? Tu prends pas celle de ton coloc ou de ton père? Non. De ton yacht. Je pose quand même la question. Les garçons dans l'équipe, est-ce que quelqu'un veut tenter? Est-ce que quelqu'un est un bonhomme et veut tenter d'aller uriner dans un gobelet et s'en mettre sur le visage? Mais jamais de la vie. Yannick du standard. Allez pour le. Ah oui. Mais non. Yannick, respecte-toi. Non, je vais pas le faire. Ah ouais. Mais parce que, enfin, on n'est pas ce genre d'émission, on fait pas n'importe quoi. C'est un secret beauté. Bah, Louis, tu viendras dans l'émission puis tu nous le montreras. Oh, elle est pas drôle. Non, mais écoute. Oh, mais quoi, c'est rien, c'est de l'urine, c'est la sienne. Oui, puis on a aussi Mickaël qui nous appelle parce qu'il se chie dessus. Alors, on va demander à Yannick aussi. Alors, faisons un vote à main levée. Qui dans l'équipe a envie que Yannick teste l'urine sur le visage en secret beauté? 1, 2, 3, 4. Bon, bah, finalement, on a tous dit oui. Yannick, tu vas le faire. Je suis désolée, mais genre une ou deux gouttes comme ça. Tu sais, pour voir s'il éclate. Chloé, on est d'accord, Chloé de Cosmo. Bah voilà, elle valide. Eh, mais attends, si c'est Cosmo qui le dit, Yannick, t'es obligé. Hein. Ouais. Bon, Louis, mon pote. Louis, du coup, merci de nous avoir inspiré tous ces soins scato. On t'embrasse. Bisous, Louis. Bisous. Bon, les copains, ça va être le moment de tester toutes nos astuces beauté. On va tout vous filmer. On va commencer par moi, parce que moi, je peux le faire en vous parlant. C'est mettre tout simplement mes mains dans un bol, ou un gobelet plutôt, d'huile d'olive. Ça me dégoûte, ça doit être archi gras. Oh, ça va. Ouais, non, non, ça va être gras après, mais en vrai, c'est pas horrible, quoi. Allez, je les mets. Je le mets là. Ah, non, et c'est en fait, non, en réalité, normalement, je crois qu'il faut le faire et mettre des gants la nuit. Comme ça, tu le laisses toute la nuit et t'as les mains toutes douces le lendemain matin. C'est vrai que ça doit être hydratant, c'est tellement collant. Sinon, la pharmacie, il y a des crèmes. Hein. Ouais, c'est... justement, puisque tu l'ouvres, Amir, les crèmes, on en vient. Ouais. Toi, tu dois mettre une crème pour hémorroïdes en dessous les yeux pour éviter les cernes. Ah, fait chier. C'est dégueulasse, ça colle. Vas-y, on a acheté la crème. Il me faut le bouchon parce qu'il faut trouver le... Ouais, au-dessus. Ah, c'est dégueulasse, ça doit avoir une odeur en plus, cette crème. Je sais pas, on est d'accord, hein, ça, les hémorroïdes. Allez, mets-la rapidement, bichon. En même temps, je trouvais que t'avais une bonne tête de cul. Facile, celle-là. Ouais. Merci, Marion. Alors, il est vraiment en train d'appliquer cette petite crème, là, comme ça. Chloé, est-ce qu'il le fait bien, à ton sens? Est-ce qu'on l'applique bien? Non, non, il faut que tu le mettes plus près des yeux. Plus près des yeux. J'ai des lentilles. Et alors? C'est pas mal, tu restes comme ça. C'est pas mal, là? Oui, on est bien. Anso, on passe à toi, chérie. Ah oui. Tu mets de la cannelle sur tes lèvres, donc je te conseille effectivement un petit peu de labello pour que ça colle. J'ai mis du labello pour que ça adhère, vous entendez? Voilà, et puis tu y vas. Hé, Yannick, tu vas aux toilettes, mon pote, hein? Ah ouais, Yannick du standard. Non, il va faire dans un gobelet. Non, mais là. Et il va s'en mettre un peu. C'est abusé, par contre, ça. Non, on va pas le faire, Yannick, on va pas le faire. Ah bon? Est-ce que ça s'est pas un peu étalé tout autour? Alors, Anso, c'est pas mal. Et tu le laisses combien de temps? Bah, tu laisses 10 minutes. Non, mais il faut aussi que t'en mettes dans ta bouche. N'importe quoi. Si, c'est vrai. Arrêtez. C'est une astuce beauté. Allez, la cannelle dans la bouche. Vas-y. Il faut que tu. Voilà, une grosse cuillère dans ta bouche. T'es chiant, tu crois que je te connais pas, c'est pour la langue. Vas-y, Anso. Faut l'avaler. Oh la vache, elle le fait. Elle le fait. Bah, le nuage de cannelle, c'est toujours ça. On va passer à Enzo du standard. Bichon, il faut que tu t'exfolies la peau avec un petit peu de litière pour chat. C'est celle de Wacha, je précise. Oui, je sais, c'est celle de Wacha. Donc, ça, normalement, ça doit être hyper efficace parce que c'est rugueux. Elle est sale en plus, la litière, les gars. C'est dégueulasse. Alors, je vous fais le topo. On a Amir qui a de la crème pour hémorroïdes sous les yeux. Il ressemble à rien. On a Anso qui s'étouffe avec sa cannelle. Et là, on a donc Enzo qui se fait son petit massage. Ouais, un petit gommage. Avec sa litière. Et enfin, Thibaut à l'area. Toi, mon pote, il te faut de la bière sur les cheveux. Je sais pas comment tu vas faire ça sans t'en mettre partout. Alors, j'en ai là. Ouais. J'ai une poubelle là, je peux faire ça comme ça. Ah ouais, vas-y, fais un petit lavage de cheveux comme ça express. Enlève ton casque et on y va. On vous filme tout, les amis, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. On les teste vraiment et on va vous dire si ça marche. Il y a Chloé aussi de Cosmo. Tout à peu près ou pas? Ouais. Qui a eu. Vas-y, Thibaut. Vas-y, Thibaut, vas-y. Hop. Ah, c'est dégueulasse. Il se tale la bière partout, ça coule dans son cou. Ok, bah tu te fais un petit massage maintenant, ok? J'ai l'impression d'être vomi dessus. Dégueulasse. Et donc Chloé, c'était quoi, le vinaigre de pomme? Ouais, elle a un vinaigre de pomme. Allez, vas-y, ma belle. C'est bon pour l'estomac, c'est bon pour tout ça. Mais tu sais que c'est sombre, le vinaigre de pomme, non? Elle va regretter d'être venue, la pauvre. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, c'est pas dégueu. Ah bah tu vois. C'est censé faire quoi? C'est censé te faire une belle peau. Bah génial. Alors. Et voilà, tout ce qui est estomac et tout. C'est rien. Elle, non, Megan Fox le fait pour maigrir. Non, mais toutes ces astuces de stars sont quand même censées nous rendre cons. On a l'air cons. Tu t'es tapé un Teletubbies ou quoi? Ah, bah, c'est pas que j'ai pris j'ai pépon un gars, quoi. Ouais. Ah, allez, restez avec nous. Dans un instant sur Fun Radio. Enzo. Dans un instant sur Fun Radio, ne bougez pas, c'est le retour du Pokélost ce soir. Ce moment où vous piégez papa et maman en faisant croire que vous êtes perdu en jouant à Pokémon Go. Chloé, merci beaucoup. Merci à Cosmo. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt sur Fun Radio. Et puis on parle cul aussi. Dans un instant, juste après Martin Garrix sur Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? leaving all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Sa toute nouvelle bombe à l'instant sur Fun Radio. Je vous parlais d'une anecdote sur lui là. Je vous disais qu'il ne buvait que du coca rouge tout à l'heure. Et bien j'ai également une anecdote sur Marion qui m'accompagne chaque soir. Vas-y. Alors Marion c'est qui? Bah Marion c'est une petite femme brune. Elle a toujours la frange impeccable, elle déteste le lait, elle est fan de requins, elle est fan de tueurs en série. En gros c'est une gigantesque psychopathe. Appelez-nous pour faire de la radio avec une psychopathe. 01 42 48 5000. Le Poké Lost. Sur Fun Radio. On vous offre vos billets d'avion pour aller à Londres grâce à Vueling Airlines. C'est ça, c'est cool. Et pour ça, il faut juste faire croire à papa et maman, papa ou maman même, oui, que vous vous êtes perdu en jouant à Pokémon Go. Donc c'est quand même plutôt assez simple parce qu'en général, les parents, ça les saoule. Ouais, ça s'énerve vite. Et le but, c'est que s'ils vous disent OK, je viens te chercher, là, c'est gagné. Voilà. Et c'est Lucas Argenteuil qui va essayer de convaincre son papa ou sa maman. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi, Bichon? Super. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Alors, ah, cool. Lucas, t'as 14 ans, toi? Ouais. Ok, tu veux piéger qui, papa ou maman ce soir? Mon beau-papa. Ton beau-papa? Ton beau-père. Ok, il s'appelle comment? Franck. Bon, il est comment, Franck? Oh, bon, il est gentil. Très gentil. Bon, tu penses qu'il va accepter de venir te chercher? Ah, je suis pas sûre, hein. Vraiment pas. Non, mais je voulais dire, Lucas, Marion voulait dire, il est comment physiquement? Non, mais non, pas du tout. La meuf sans respect. Bichon, est-ce que t'as une stratégie? T'as prévu des endroits un peu glauques à lui annoncer, tout ça ou pas? Non, j'ai pas vraiment de stratégie ici. Je vais lui dire que je suis dans la forêt, en fait, que je suis perdue. Très bien. La okay. Forêt, ça marche toujours. Eh ben, c'est parti, on appelle Franck, Lucas. Bonne chance. Merci. N'hésite pas à lui dire que dans la forêt, il y a des gens qui rôdent. T'as trouvé un corps. Non. Crédible. Allô. Ouais, allô. Oui. Ouais, Franck. Ouais, je suis perdu dans la forêt, là. Mais c'est de ma gueule, t'as été perdu dans la forêt. Ouais. Mais dans quelle forêt? Je sais pas, la dernière fois. La dernière qu'est-ce fois, qu'est-ce que t'as foutu pour t'es perdu dans la forêt? Et j'ai joué à Pokémon Go. T'as joué à Pokémon Go, tu t'es perdu? Ouais. Non, mais t'es complètement ravagé. Tu l'as attrapé, au moins, le Pokémon? Mais dans quelle forêt? Comment je viens te chercher? Qu'est-ce que tu comprends? Je sais pas, tu peux venir me chercher, s'il te plaît, mais je sais pas où on est. Je crois qu'on est vers la butte d'Orgemont. La dernière fois que j'ai vu où on était, c'était là-bas. Bah, je suis pas à côté, hein. Tu sais que ça va pas être facile. Mais t'es vraiment un couillon. Non, mais super, en jouant Pokémon. En plus, il a même pas attrapé. Je sais pas, la dernière fois que je savais où j'étais vers la butte d'Orgemont, je t'ai dit. Vers la butte d'Orgemont, on va te trouver alors. Bah écoute, voilà, on va essayer de te trouver. Putain, la chasse aux Pokémon, ils se perdent dans la forêt. Non mais n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est un truc de dingue. Non, non, non, non, c'est la première fois que tu fais ça dans la forêt comme ça? Non, enfin, si, mais je suis stressée là. Je suis pas bien. Écoute, tu me laisses d'ici un quart d'heure, on est dans la voiture, et un quart d'heure après, on est vers la butte d'Argement, on va te trouver, on va te localiser, ok? Ah, voilà, ça c'est gentil. C'est sympa, ça c'est gentil, chat. Franck? On va te trouver, on va te trouver, on va te trouver. Franck, Franck? Oui, bonjour. Bah, allez-y, allô allez-y, allez-y. Salut Franck, c'est Marion et Anso du Night Show, vous êtes en direct sur Fun Radio. Sur Fun Radio? Oui, alors effectivement, alors vous inquiétez pas, il est pas du tout dans la forêt, tout va bien. Ah bah ça me rassure, alors c'est très bien. Non mais Franck, vous êtes magique. Ah et ouais. Tu peux pas plutôt courir après les gonzesses plutôt qu'après les Pokémon? Non mais c'est vrai en fait. Hein. Vous avez tout à fait raison. En fait, il devait vous faire croire qu'il était perdu en jouant à Pokémon. Si vous disiez que vous venez le récupérer, c'était gagné. Et vous l'avez dit. C'est parfait. Et bah donc Franck, c'est gagné. Bravo. Bon, Lucas. Merci. Lucas, Franck, vous gagnez tous les deux vos billets d'avion grâce à Vueling Airlines pour aller à Londres. Oh bah c'est super. Bah oui, c'est super. Attends, elle veut te dire Franck, c'est cool. Il a bien fait de se perdre. Ah bah c'est super. C'est super. Même pas foutu d'attraper un Pokémon, mais c'est super. Allez les deux, on vous fait des bisous. Allez. Au revoir, à bientôt, au revoir. Bisous. Dans un instant sur Fun Radio, on va parler cul. Oui, ça y est, on vous a préparé plein de trucs. Déjà, on a des infos insolites sur le sexe, des trucs, je suis sûre, vous avez jamais entendu nulle part. C'est du lourd. Et surtout, on aura Alison au téléphone. Alison, elle nous a appelé parce qu'elle a un souci avec son mec. Il veut débriefer de absolument chaque acte sexuel. Mais genre en mode coach. Ouais, en mode coach. T'as bien fait ci, t'as bien cambré. Là, t'as été bonne. T'as trop relou. L'enfer. 01 42 48 5000. Si vous aussi vous débriefez après le cul, on en parle juste après. Bah, Pitbull, débriefe pas à lui. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. 23h35, c'est Marion et Anso en direct. Et ça y est, il est l'heure de parler cul. Oui. Voilà, donc si vous avez envie de parler cul avec nous, 01 42 48 5000, on aura Alison dans un instant. Mais avant ça, j'avais des infos pour vous. On a bossé avec l'équipe, on vous a trouvé les infos les plus insolites mais vraies sur le sexe. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous sommes prêts, Marion, on t'écoute. Vous allez me dire à chaque fois, j'attends de vous des petits commentaires. Est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, quoi. D'accord. Un homme éjacule environ 7200 fois dans sa vie, dont 2000 fois en se masturbant. Est-ce que c'est pas ouf? Bah, je sais pas, moi, ça me paraît pas énorme, 7200 fois. 7200 fois. Moi, ce qui me paraît énorme, c'est 2000 fois en se masturbant, quoi. C'est presque un quart, en fait, des fois. Ouais, mais bon, en même temps, vous les gars dans l'équipe, vous vous masturbez beaucoup, non, Amir, des réseaux sociaux. Ah bah regarde en même temps là. Non, mais non. Nous c'est pas pareil, parce qu'un mec ça démarre à partir même de 13 ans, 14 ans, donc tu vois, il y a quand même de 14 à 20 peut-être pour certains. Bah oui. Tu sais, les filles, c'est pareil, non, oui, ça c'est démarre pareil tôt, hein, nous. Hein. Ah, ça démarre pas plus tard pour vous tout ça? Bah non, tu te découvres à la puberté, pareil quoi. Ouais, ouais. Peut-être un peu plus tard quand même. Ouais, je sais pas. À 13 ans, moi je me touchais pas. Hein, non, moi non plus. Thibaut Alaréa, on se masturbe souvent? Oh, je suis un très grand masturbateur. Oh, mais genre combien de fois par semaine? Par semaine, franchement. Pff. Mais je suis sûre que lui il baisse pas assez. Hein. Si, franchement, non. Mais je nique ma foison. Non. Je suis sûre que non. Je pense que tu t'inventes une vie, tu te voiles la face. Non, franchement, non. On aime bien faire des câlins. Ouais. Mais j'aime bien aussi à côté. Bon, bah voilà, de temps en temps, je veux faire un câlin à moi-même. Quoi. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Hein, quand tu fais l'amour et quand tu touches tout seul. C'est différent. Déjà, quand tu touches tout seul, t'es toujours sûr d'être satisfait. Ouais. Bon, hein, deuxième info insolite, les amis. Chiant. Le plus petit pénis humain en érection mesure, à votre avis, combien? Le plus petit 3 pénis. 3 cm. 2 cm. Oh non, 5. 1 cm. Oh non. Oh, c'est-à-dire, il y a quelqu'un sur Terre qui a un pénis en érection qui mesure 1 cm. Non, mais c'est pas ouf. C'est une maladie, là, non? Bah, c'est un micro-pénis. Non, mais c'est même plus un micro, c'est au-delà, quoi. Et alors, j'ai pire. Depuis 1609, 80 garçons sont nés avec deux pénis. Ah, bah, c'est dis donc, ça doit être bizarre cool. Quand t'enlèves le pantalon de la personne. Alors, est-ce que c'est un fantasme pour toi, Anso, ou pas? Deux pénis à la fois? Ah, pas du tout. Bah, déjà, moi, deux personnes en même temps, je trouve qu'il y a trop de taf. Mm-hmm. Donc, si une seule personne a deux pénis, c'est ouais, mais du coup, quand il y a une fellation d'une fille, il y a une chance sur deux pour que ça arrive, quoi. En fait, t'emballes pas parce que, en l'occurrence, je pense qu'ils opèrent. Ils naissent avec deux pénis, mais tu restes pas toute ta vie avec deux pénis. Non, comment on appelle ça? Il y a bien des gens qui sont hermaphrodites. Mais on opère aussi. Oui, et puis c'est souvent, l'utérus par exemple, mais un sexe masculin ou un truc comme ça, mais t'as pas 10 000 sexes. Ça peut être cool quand même. Ouais, ça doit être un truc bizarre mais à gérer, mais avoir deux sexes, franchement, il y a un petit délire. Une cuillère de sperme contient 5 calories quand même. Ouais, hein. Ouais, ah bah ouais. Je croyais que ça faisait maigrir alors. Non, pas du tout. Ah bah c'est pour ça que je fais pas le bon régime. Non, ça c'est vulgaire. Oh non, je savais qu'elle allait le dire. Mais c'est une blague. Je suis choquée. Non. Mais arrête, Enzo. Je suis choquée. Écoute, celui-là, il est pas mal. 3 rapports sexuels par semaine permettraient d'allonger la durée de vie de 10 ans. Eh ben, je suis pas. Ouais, tu vas mourir jeune, toi. Je vais pas péter tous les records, moi. Ça me paraît ouf, Thibaut. Alors, t'en penses quoi? Et la branlette, c'est combien? Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais il parle de rapports sexuels. Le clitoris mesure environ 11 cm. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est trop gros tout ça, mais en fait, nous, on voit seulement la partie visible de l'iceberg. À l'intérieur, t'as ton clitoris qui continue. Alors, oui, mais il paraît qu'il y a des femmes qui ont des très très gros clitos. Ah ouais? Ouais, il paraît. Alors, est-ce que les garçons dans l'équipe, vous êtes déjà tombés sur une femme à gros clitos? Ouais, ouais. Amir raconte, ça t'a dégoûté, t'as aimé? Quelle taille? Non, je sais pas, je m'en foutais un peu, mais surpris par contre. Là, je sais que ça doit faire bizarre, mais en même temps, pourquoi pas? Thibaut, à l'arrière? Moi, je suis tombé sur un espèce de double clit, genre. Double clit, quoi. On dirait un vieux geek, quoi. J'étais sur Windows, j'ai fait un double clic. C'est venu comme ça, les gars. Ouais. Non, mais en gros, genre, il était tellement gros que ça faisait deux. Ça se séparait en deux à la fin, c'était super bizarre. Mais attends, mais t'as baisé avec un monstre. C'est chelou. L'homme passe 50 000 heures de sa vie en érection, dont 2500 heures à faire l'amour. C'est sûr. 50 000 heures? Ouais, ça dépend des hommes, je pense, mais c'est énorme. Mais attends, mais vous êtes en érection tout le temps? Bah ouais. Non, 50 000 heures. Déjà, les mecs, tous les matins, c'est en mode érection. Et alors, à savoir que si un mec se lève le matin, quand il se réveille, il est pas en érection, c'est qu'il a pas fait une bonne nuit. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais. Winzo, c'est important. Moi, je pensais c'est parce qu'on avait la vessie pleine, du coup c'est pour ça qu'on bandait. Absolument pas. C'est appuyé sur la prostate. Bah, toute la journée quand t'as envie de pisser. Mais Doc il me l'a dit. Mais visiblement, Winzo, t'as pas fait médecine, hein? Non. Pas du tout. Le mois de juin est le mois le plus propice pour perdre sa virginité. Est-ce que vous saviez ça? Ah bah oui, c'est normal, c'est la fin de l'école, donc. Ouais, c'est ça. Le début des vacances, l'été. De toute façon, l'été c'est toujours mieux pour Ken. Ouais, oh. Ouais, bon, il n'y a pas de saison pour toi, non. Mais bon. 40% des étudiants connaissent une amie ou un ami qui a couché avec un prof. Ça, je trouve ça ouf. Ouais. Alors, moi, toi, t'as connu Thibault derrière? Je connaissais une pote à moi qui a couché, genre, avec notre prof d'éco. Mais moi aussi, je connais quelqu'un, tu vois, donc c'est incroyable. Ah ouais, bah pas moi. Mon ancien boss qui le dit ouvertement, il avait couché avec quelqu'un. Pas toi? Non, non, non, moi non, on mange pas de ce pain-là, on est sage. Amir, Enzo, vous connaissez quelqu'un qui a couché avec un prof? Ouais, moi j'ai connu un pote qui avait couché avec ma prof de français. Mais ça, c'est quand même. Ouais. Je comprends pas, moi, les profs. Comment tu peux faire ça? C'est hyper malsain. Ouais, mais quand t'es prof, forcément, quand t'es pas en CP. Mais oui, quand t'es à la fac, à la limite. Non, c'était au lycée, hein. Ouais, au lycée, c'est malsain. C'était au lycée, il avait 19 ans. Je me souviens. Ah oui, bah, il avait encore redoublé, non? Ouais, non, bah il avait redoublé une fois. Ouais. C'est terminal. On juge pas, Amir, hein. Y'a pas de soucis. En moyenne, un garçon a 11 érections par jour et 9 par nuit. Alors ça, j'y crois pas. Non, si, mais surtout, possible. Ce qui m'angoisse, c'est qu'on passe notre vie ensemble avec toute cette équipe. Donc ça veut dire que. Attends, Thibaut à l'AREA, au bureau, ça t'est déjà arrivé de demander? Ouais, mais genre nous, cet été avec mes potes, on a fait un jeu. Genre à chaque fois qu'on avait une goal, on disait parasol, comme ça on pouvait le dire en public. Et genre, on comptait toutes nos goals et on disait tout ça à nos copines. Et du coup, on comptait, c'était à peu près 11, entre 10 et 15, quoi. En tout cas, ça fait preuve de beaucoup de maturité, ces vacances. Et surtout, on a appris beaucoup trop de choses sur Thibaut ce soir, quoi. Je me sens pas bien. Bon, bah voilà. C'est tout pour ce petit quiz. Est-ce que vous avez aimé? Ah, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais quoi? Apprenons en nous amusant. Tu sais que j'en ai encore d'autres. J'ai encore une dizaine d'infos insolites pour une prochaine émission, si ça te convient. Ah, bah ça, c'est cool. En tout cas, restez avec nous. 01 42 48 5000. Vous nous appelez, on fait de la radio ensemble et on parle de cul avec Alison. Alison, elle a un petit souci avec son mec. Vous allez comprendre tout de suite. Son mec, il est un petit peu, comment dirais-je, coach de sexe. Oui, c'est ça. On en reparle avec elle dans un instant. Bougez pas. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Le son Dance Floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Demain au cinéma. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Samedi soir, au club 801 à 3. Lascar. It's Nils Van Zandt en Fun Radio. Retrouvez le DJ Fun Radio Nils Van Zandt en DJ set exclusif. Welcome to Party Fun. Party Fun Club. By Nils Van Zandt. Au club 801 à 3. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun. Sur iPhone. Close your palm, under the table, a sign of how this might end. là, tout de suite dans le Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. Dans quelques minutes, c'est Adrien Thomas et Party Fun qui va débarquer, mais on continue de parler cul. Avec Alison, on vous en parlait il y a quelques minutes. Alison, elle a un souci avec son mec. Elle a 24 ans, elle nous appelle de Lyon. Bonsoir Alison. Coucou Marion, coucou Enzo, coucou toute l'équipe. Salut, salut. Comment ça, ça va? Bah et toi? Moi, surtout. Moi ça va, j'ai un souci, un gros souci, faut que vous m'aidiez. Eh ben écoute, on t'écoute. Alors nous on sait à peu près de quoi il s'agit, mais explique en détail pour les auditeurs. Oui, en fait j'ai un problème, c'est que mon mec en fait il me fait en fait des briefings après chaque rapport sexuel. C'est-à-dire que quand je, enfin voilà, et à chaque fois il me dit tu cries pas assez fort, là t'as trop crié, t'es pas assez endurante, t'es trop endurante, enfin tout plein de choses quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais est-ce qu'il fait ça depuis toujours ou c'est récent? Ça lui a pris récemment? Eh ben là ça fait quelques mois déjà, là ça fait 3 ans ensemble, là ça fait vraiment quelques mois qu'il me fait ça après chaque rapport sexuel. C'est improbable quand même. Mais c'est surtout. Et angoissant. Voilà, c'est. Je voulais savoir si c'est moi qui. Je sais pas, je trouve pas ça. Mais est-ce qu'il a un problème, quoi? Est-ce qu'il trouve quand même des côtés positifs à chaque fois, Alison? Mais en fait, il a la critique sur tout, en fait. Après chaque rapport, il me dit vraiment ce qui a été, ce qui a pas été. Tu t'es trop courbée, t'as pas été assez courbée. Voilà, c'est vraiment des critiques à chaque fois. Et voilà. Mais attends, mais tu es trop courbé et tout. Mais est-ce que toi, tu lui débriefes aussi? Parce que c'est bien gentil de faire ça, mais lui, il n'est pas parfait, j'imagine. Non, il n'est pas parfait, mais je lui fais pas de briefing à chaque fois, quoi. Parce que après, Anso, peut-être qu'au bout de 3 ans, il y a une sorte de routine qui s'est installée, il a envie, tu vois. Alors ça, je comprends, Marion. Pour le coup, je comprends. Mais qu'un mec te dise, non, mais là, t'étais pas assez courbé, là, t'étais trop courbé, ça va, c'est pas un coach, quoi. Il peut te le dire en douceur. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des débriefs avec des garçons, plutôt dans le sens où, tiens, t'as vu, j'ai essayé de me mettre différemment. Est-ce que ça t'a plu? C'est plutôt comme ça, dans le partage, quoi. Mais moi, pas du tout. Je parle pas de ça. Moi, je pense qu'il faut faire comprendre pendant l'acte. S'il trouve que t'es pas assez cambré, bah, il t'appuie un peu sur le dos. Enfin, tu vois, il te guide. Oui, si, ou alors il te le dit pas. Pendant, cambre-toi plus. Mais exactement, parce que le briefing, là, après, c'est complètement bizarre et je pense que ça doit te mettre mal à l'aise. En plus, ça doit te faire perdre confiance au bout d'un moment, non? Ben oui, mais après, moi je sais que je fais des choses bien de mon côté, mais après, c'est quand même chiant. C'est vraiment. Au bout d'un moment, j'ai plus confiance quoi, en moi, en fait. Je me dis, mais je le fais plus effet ou quoi? Tu sais ce qu'on va faire, Alison? Déjà, on va demander aux auditeurs leur avis. Là, 01 42 48 5000, si vous aussi, vous avez l'habitude comme ça de faire des débriefs après l'amour ou si quelqu'un vous a dit déjà quelque chose de pas gentil après l'amour, tu vois. Et je vous en supplie, si vous êtes tombé sur un garçon ou une fille qui fait des schémas après l'amour, pour vous montrer comment faire, appelez-nous, là, s'il vous plaît. Mais juste, moi, le seul conseil, je pense, qu'on peut te donner, c'est en fait ce qu'on dit tout le temps, hein, la communication, faut lui dire, t'en as marre. Ça fait 3 ans que t'es avec, donc tu peux te permettre en plus d'être un peu virulente. Tu peux lui dire, écoute, ça me saoule en fait. Moi, j'ai pas envie à chaque fois qu'on fait l'amour d'avoir un débrief. Ça me saoule. Si t'es pas content, bah tu me le dis une bonne fois pour toutes et je vois ce que je peux faire. Mais stop, tu vois. Mais surtout que en plus, ça, je peux comprendre parce que ça part d'un bon sentiment. Mais il faut savoir, tu vois, moi j'ai des mecs parfois qui me disent, ah tu vois, c'était cool quand t'as fait ça ou tu vois. Mais que des points positifs de me dire, t'étais pas assez cambrée, t'étais pas assez endurante. Bah mec, tu vas trouver une autre meuf en fait. Après, tu te dis pas, bon, ok, c'est vexant, mais au moins tu le sais. Genre, si t'es nul dans un truc, si personne te le dit, tu peux pas t'améliorer. Oui, c'est vrai. Là, au moins, dont ton mec, il, voilà, mais une fois, tu vois, il te le dit pas à chaque fois. Parce que moi, non, mais là, c'est tout le temps. Honnêtement, si je fais mal un truc, je crois que je préfère quand même qu'on me le dise. Comme ça, pour le prochain, je saurais que ça va, tu vois. Moi aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis, évidemment, c'est pour se faire évoluer, mais il y a des façons de faire, quoi. Ouais. Alison, il faut que tu le dises à ton mec. Hein. Faut que tu dises, écoute, moi, je suis pas contre que tu m'aiguilles. Mais fais-le correctement, quoi, avec respect. Ouais, faudrait que j'essaie d'en parler. Bon, Bichette, t'inquiète pas, on a du monde pour toi au standard. Et il y a Pépère qui fait des signes tout à l'heure, il aura son petit conseil, ok? Ok. Il y a Damien à Valence qui nous a appelé. Bonsoir, Valence. Bon, salut les filles. Ça va, toi? Ça va, ouais. Alors, raconte-nous, comment on est après l'amour à Valence? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle pas? D'habitude, on parle pas. Puis un jour, ma meuf, elle a décidé de débriefer. Elle m'a dit que c'était très bien. Sauf qu'il y a un truc qu'elle a pas aimé, c'est que, elle m'a dit que j'avais une mauvaise odeur quand elle m'a sucé. Oh non! Ah, ouais, mais bon. Ah ouais, mais il fallait que tu le saches aussi, hein. Je m'en doutais absolument pas, donc. Mais après, Damien, c'était une fois? C'était après une journée de travail? C'était comment? Ouais, c'était après une journée de travail. Ouais. On avait bien bossé ce jour-là, hein, Damien. Non, mais... On était pas loin de la salle de sport. Ouais, c'est ça. Les gars, en vrai, faites attention à ça parce que je vous jure, et vous, vous le savez, vous êtes dégoûtés facilement aussi par les odeurs, donc comprenez-nous. Ouais. C'est pas parce que vous, c'est en externe tout ça, il y a aussi des odeurs, donc une petite douche, quoi. Je sais pas, une lingette, bordel. Bah, c'est vrai. Ouais, les lingettes, c'est pas que pour les filles, les gars. Hein. Non, franchement, c'est hyper important et une douche, c'est quand même le mieux. Voilà. De toute façon, il faut une douche juste avant. Non, mais parfois, il y a des moments dans la journée, tu le fais, je sais pas, moi, c'est le plein après-midi, t'as pas envie d'aller prendre une douche, ça se comprend. Bah, évidemment, et puis, bon. Ça t'est jamais arrivé d'être comme ça dans le feu de l'action, tu fais l'amour dans la rue. Ou dans une cabine téléphonique. Douche publique. N'importe quoi. N'importe quoi. Non mais la douche c'est plein de bons sentiments. Mais oui tu le fais quand tu peux. Mais en général t'as pas le temps. Tu vas pas arrêter de te chauffer pour aller prendre ta douche. Mais si. Mais bon Damien cela dit, elle a bien fait de te le dire ta copine. Parce que c'était qu'une seule fois. Si c'est pas un problème récurrent, pourquoi pas tu vois. Ouais puis ça fait avancer le couple. C'est ça. Et la délicatesse des meufs comparée au mec d'Alison, c'est qu'elle t'a dit c'était très bien, mais là, lui, il lui balance tout comme ça, genre t'es une merde quoi. Ouais. Moi, elle a pas sorti le paperboard, non. Bon, et bah ouais. Tant mieux. Et depuis, on se lave, mon pote. Ah oui, mais on s'est toujours lavé. Hein. Bon, écoute, on continue. Et ben écoute, merci de nous avoir appelé, Damien, et merci d'avoir remis le mot paperboard au goût du jour. Merci, salut les filles. On t'embrasse, Damien. Bisous. Il y a Fabien aussi qui est avec nous à 3. Alors, les gars, au standard, 3, ça s'écrit pas 3 comme le chiffre. Hein. Ça s'écrit T-R-O-Y-E. Qui écrit ça, désolé. Bah, Yannick et Enzo au standard, ouais. Les gars. Je rêve. Ça va, mon pote? Salut Marion, salut Enzo, salut l'équipe. Salut. Alors... Attention. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Il est content. Aïe, c'est bon. Ah, je suis content. Il est content. Il est content. Il est content. Alors, en plus, abusez pas, 3, il y a Fun Radio là, ce week-end à 3. Vous ne vous trompez pas dans l'adresse en plus, sinon vous n'êtes pas prêts d'arriver. Hein. Attends, parce qu'on a l'air con là. Il y a un événement Fun Radio à 3, les gars. Bah oui, au 801. Qu'est-ce que c'est? Je viens de le dire. Oh là là. Et c'est quoi? C'est une soirée? Party Fun! Ah bah oui, en discothèque. Ah bah oui, mais Fabien, tu sais, Party Fun, ils font les tournées mondiales comme ça, mais on sait pas où ils sont. Hein. Et tu vas y aller? Ouais, je pense que je vais y aller, ouais, carrément. Ouais. Au top. Eh ben écoute, tu carrément. Me raconteras. Ça marche. Pour revenir à Alison, là c'est abusé, là. Ouais, clairement, là c'est abusé. Et ouais, comme Anne-Sou le dit, enfin, il y a des façons de le dire. Moi, personnellement, moi aussi, j'essaie de faire avancer. Je suis dans le partage un peu pareil. Mm-hmm. Le fait de dire que ça, c'était bien, que voilà, parce que c'est bien aussi de s'améliorer, de savoir ce que l'autre veut, ouais. Et ce qu'il aime, etc. Dans ce principe-là, ouais. Mais là, c'est abusé. Enfin, ah ouais. Franchement, enfin, lui, limite, ouais, c'est ça, il lui fera un dessin, quoi. Ouais, enfin, c'est pas ça. Un prof, quoi. Mais toi, est-ce qu'on t'a déjà fait le coup? Non, parce que non, on m'a jamais forcément dit que ça allait pas ou machin. C'est plutôt moi, comme moi, je suis vraiment dans le partage, c'est pareil. J'aimerais bien. Après, j'aime bien être rassuré aussi, comme tout mec. Voilà, savoir qu'on est bon ou moins bon dans certains domaines. Après, les filles ont un peu plus de mal, je pense, à le partager, je trouve. D'accord. Selon l'âge. Bah... Ouais, je pense, ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Mais toi, est-ce que t'as déjà dit, Fabien, à une fille, là, tu vois, c'était pas terrible ou. Bah non, mais j'aurais plutôt lui dire, j'aurais préféré ça plus dans le positif que dans le négatif en fait. C'est bien. Je veux plus le tourner d'une façon. Ça c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut pas oublier que le sexe, on a tous un ego sexuel. C'est-à-dire qu'on aime pas des mauvais coups, donc c'est difficile à dire à quelqu'un quoi. C'est ça. Donc franchement, il vaut plus se sortir dans du côté positif. Et je pense qu'Alison devrait en parler à son mec, parce que surtout que c'est peut-être pas un mois qu'elle est avec quoi. Ouais. Et elle devrait essayer de lui en parler. Et je pense qu'il devrait comprendre. Je pense qu'il est plutôt maladroit que. Que méchant, je pense, dans ces choses-là. Ouais. Mais t'as une meuf, toi, Fabien? Ouais, j'en ai une. Ouais. D'accord. Bon, ça m'étonne pas. T'as une voix à avoir une Pourquoi meuf. Pourquoi? Ouais. Ouais, t'as l'air d'être un mec gentil, t'as une meuf. Ouais, c'est sûr. Reste là, mon pote. J'avais envie de demander à l'équipe, là, une petite question. Soyez complètement honnête. C'est quoi la pire critique qu'on vous ait fait sexuellement? Essayez de vous souvenir, même vos premières fois. Est-ce qu'on vous a dit, là, t'étais mauvais, là, c'était nul? Anne-Sau, par exemple. Alors, attends, parce que moi, j'en ai entendu des trucs, hein. Une critique qui t'a blessé un peu, tu te dis ah bon. Moi par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à cambrer. Je dis, hein, je faisais un peu le dos rond parce que pour moi, tu vois, j'étais pas, c'est pas naturel pour moi. J'ai pas une cambrure naturelle. Faut vraiment que je force. Tu genre vois. Le méchant chat. Voilà, méchant chat. Donc j'avais un chéri au début qui m'avait fait comprendre. Mais après, ça s'est arrangé avec l'expérience. Mais c'est vrai que. Et ça m'avait un peu vexée parce que moi, je disais, mais je fais de mon max, tu vois. Et du coup, voilà, avec le temps et l'expérience, maintenant, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile quand tu commences, quoi. Ouais, c'est ça. Si, moi, un mec, il m'avait dit que je masturbais hyper mal. Ouais. Mais c'est hyper dur pour nous. Bah oui, c'est dur. C'est hyper compliqué, en vrai. Moi, je tirais trop dessus. Ouais, parfois, on est trop violente parce qu'on sait pas ce que vous aimez. C'est compliqué. Faut nous guider, en fait. Mais c'est ça. Et une fois que le guide est en place, ouais. Le gourou, hein, de la masturbation, mm-hmm. Eh ben, c'était beaucoup mieux. Les garçons, oui. Amir, est-ce qu'une fille t'a déjà dit, écoute, c'était trop rapide, là c'était pas bien, là j'ai pas aimé, l'odeur, tout ça, est-ce qu'il y a eu un truc qui t'a marqué? Écoutez, je suis un truc vraiment... que tu faisais mal, je sais pas, un cuni, un truc. C'est pas le mytho, il y a bien une fille qui était déçue d'un truc. Alors vous les filles, c'est pas pareil, parce que si vous êtes déçue d'un truc, souvent, dans la majorité des cas, vous le dites pas tout de suite. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, ou alors vous le dites, mais vraiment longtemps plus tard, quand c'est bien installé. Ou alors ce qu'on fait, nous, c'est qu'on rappelle pas. Voilà, voilà. On simule, on dit c'était très bien. Voilà, et tu rappelles fort. Mais sinon, non, je n'ai pas de souvenir en tout cas de moments pareils. Ok, Thibaut à l'aréa. Moi, on m'a déjà reproché que, genre, que je respirais trop fort et que je faisais des bruits bizarres. Ah bon? Mais ouais. Quel genre de bruit? Des bruits de quoi? D'ours? Non, genre. Ah non, le fais pas. Ah non, non. Mais ça me gêne. Non, mais attends, Thibaut. Mais là, tu joues comme une fille, en fait. Ouais. Mais non. Non, mais ça m'arrive, genre, de respirer, tu sais, un peu. Non. Arrête-toi. Arrête, je suis extrêmement gênée, Thibaut. Je suis désolé. Enzo du standard. Moi, je sais que pour mes premières fois, en fait, j'aimais pas me déshabiller entièrement. En fait, du coup, je sortais ma bite de la braquette. Mm-hmm. Et voilà, je faisais mon truc. Mais non. Si, c'est vrai. Et du coup, les filles, elles te disaient, ça se fait pas. Bah ouais, genre à la fin, bon, t'aurais pu quand même te déshabiller. Bah ouais, bon. Bah c'est horrible. Mais c'est horrible. Car en plus, tu sais que faire l'amour avec quelqu'un qui garde son pantalon, ah ouais. C'est hyper relou. Mais moi, je trouvais ça cool, tu vois, bim, t'enlèves ta braguette. Comme ouais. Dans les films. Voilà. Il y a un côté excitant quand c'est genre, tu veux pas trop, t'as pas le temps, tu fais le strict minimum, toi, t'enlèves juste ta culotte, tu gardes ta jupe. Voilà. Non, mais d'accord, je suis d'accord, mais Enzo, c'était à chaque fois. Donc c'est quand même un peu. Non, ouais, non, c'était un peu régulier quand même. D'accord. Et t'arrivais à mettre une capote comme ça à travers. Ouais, ouais. Ok. Ça passait. Alors ça va. Bon bah merci de vous être livrée, l'équipe. Bon, bon bah écoute, visiblement, Alison, on aurait besoin de ton mec pour nous coacher. Bon, merci à vous en tout cas de tous vos conseils. Je vais voir pour. Tu lui parles. Pour remédier à tout ça en fait. Mais oui, chérie, tu lui parles, tu lui dis que ça te saoule. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas continuer si t'en as marre, tu vois. Et tu lui dis, voilà, moi parfois tu fais des trucs que j'aime pas forcément, et ben je te le dis pas, je te vexe pas. Donc tu lui dis, dis-moi une bonne fois pour toutes tout ce que t'aimes, tout ce que t'aimes pas, et après on n'en parle plus. Ok. Donc, c'est Alison, une exception quoi. Mais bon. La discussion, le dialogue, hein. Tout voilà. Le dialogue. Ok. C'est ça. On t'embrasse, Alison. Moi aussi, je vous embrasse. Plein de gros bisous. Bisous. Fabien, on t'embrasse aussi du côté de Troyes. Et bonne teuf avec Party Fun, bichon. Bisous. Comment? Bonne teuf avec Party Fun. Ouais, juste, je voulais redire par rapport à ça. Bon, elle doit être partie, Alison, mais juste par rapport à l'âge de son mec et son âge à elle. Elle, c'est qu'elle a 24 ans, mais c'était l'âge de son mec, je pense que je voulais c'est savoir. C'est pareil, apparemment. Ouais. C'est pareil, ouais. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça, je pense qu'à 24 ans, on est capable de parler, je pense, et c'est dommage. On est sur un psychologue, là. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein Fabien, on garde tes coordonnées, puis on va le balancer à l'antenne, on va créer une nouvelle émission, quoi. Bisous, Fabien. Bisous. Allez, salut, continuez, vous êtes énormes. Salut. Big up, mon pote. Bon, bah, puisqu'il nous parlait de Party Fun, on va retrouver Adrien Thomas de Party Fun. Il est en face. Il veut plus revenir dans ce studio, non. Le gars. Hein. T'es là, bichon? Ah non, il est pas là? Non, il est où? En fait, il est dans l'autre studio. Ah, ah si, il est là, je le vois studio, courir. Mais il a pas allumé le studio, c'est en douille. Mais qu'il est con, mais regarde, là, je le vois faire des gestes et tout. Tu l'as? Ah, t'es là, qu'est-ce que t'es con. Non, mais c'est-à-dire qu'on a tellement de moyens dans cette radio que je suis donc tout seul, hein, voilà, pour gérer tout le dossier. Voilà, vous m'entendez? Alors, oui, on t'entend et on avait une question. Oui, dites-moi. On parlait de débrief sexuel. Est-ce que toi, une fille, t'a dit un jour, après l'amour, qu'il y a un truc qui n'allait pas? Genre, c'était trop court, là, c'était pas bien, tu vois, un truc comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, mais moi ça m'est déjà arrivé de le dire, oui. Ah, t'as dit quoi toi? Mais moi j'ai dit genre, je sais pas, que j'y arrivais plus. Ah bon? Genre, ouais, non, mais enfin ça m'est arrivé une fois de dire, oui, j'arrive plus quoi, j'arrivais plus à bander, donc j'allais pas me forcer, à un moment ça se voyait. Mais parce qu'elle t'excitait plus? Mais parce que, oui, je pense qu'il y avait ça. Oh je pense qu'il y avait ça. Pauvre. C'est horrible. Et ouais, bon, je te cache pas qu'on s'est pas revu, hein, du coup. Mais d'accord. Mais, non, bah, il faut être honnête. Je vous entendais dire ça. C'est vrai que l'honnêteté, finalement, c'est pas facile. Ouais. Mais voilà. Moi, on m'a jamais dit de choses négatives. Voilà. Bon, et eh ben merci Adrien Thomas. On va demander à Pépère quand même. Pépère, ouais. De l'équipe. Est-ce que toi, t'as débriefé avec mes mères une fois? Bah, moi, avec mes mères, on parle jamais après l'acte. Hein, Et pourquoi? Bah, parce que c'est mal poli de parler la bouche pleine, voyons. Oh non. Voilà, c'est sur cette vanne très classe. Ouais. Merci. L'équipe, ça vous avait passé une bonne soirée? Ouais, franchement, c'était cool. Alors, petit tour de table, qu'est-ce qu'on a retenu chez Anne-Sophie? Moi, chez moi, j'ai retenu que je pouvais être très énervée face à des mecs goujats auprès des filles. Oui, c'est vrai, avec Anaïs qui voulait récupérer son ex. Pas sympa, sympa. Ouais. Amir. Moi, j'ai retenu qu'Enso a avalé beaucoup trop de semences. Ah, arrête. C'est elle qui l'a dit. Oui, non, c'est toi qui l'a dit. C'était une blague. Ah, c'était une blague, du coup. Ah. Enso. Moi, j'ai retenu que Thibaut se branlait comme un porc. Oui, c'est vrai. Et justement, Thibaut à l'area. Bah, moi, j'ai appris genre que Julia Roberts, elle se mettait les mains dans l'huile. Ça me dégoûte. Je le trouvais classe avant. Exactement. Mais c'est... si, c'est Julia Roberts qui fait ça. Oui, ouais, c'est elle. Ouais, c'est elle. Moi, j'allais dire, j'ai appris que le plus petit pénis humain mesure 1 cm en érection. Ça va me faire ma nuit, les gars. Bon, en tout cas, on a bien compris que ce que vous avez retenu, Enso, Amir et Marion, c'est que du cul. Voilà, on est d'accord. Voilà. Moi, j'ai retenu un truc aussi. Oui, ouais. Dis-nous. Hein, puisque vous me demandez. Oui. Oui, Adrien. C'est que quand vous avez fait le dossier là, des téléphones portables, j'ai adoré ce jeu. Ouais. J'ai adoré ce jeu, j'ai vu ça sur Facebook. Et je note que Amir a des potes très chelous qui lui envoient 3 fois le même message. Il va falloir changer d'amis. Hein, c'était ton pote Momo qui avait dit. C'est Momo. Il m'avait juste dit. J'ai hâte de te revoir. Non, ça m'a fait plaisir de te voir. Ça m'a fait plaisir de te voir avec 3 petits points. Ouais, 3 fois. Mais bah, non, mais ça me rassure dans le sens où tu ne réponds donc jamais aux messages et ne pas qu'à moi finalement, aux autres, à tout le monde. Hein. Voilà. Je réponds à personne moi. Et vous savez quoi? On refera ce jeu comme ça, pas surprise, sinon c'est pas drôle. Ouais. Et puis bah, nous on va se retrouver demain en direct à 22h minuit. N'oubliez pas que jeudi, notre invité c'est Black M, les gars. Je suis français. Lourd. Fiancée. Celui qui vous réveille demain matin, c'est Bruno dans la radio avec toute sa team. Et puis bah, j'ai envie qu'on finisse en chantant, l'équipe, vous êtes prêts? Ouais. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là. Ah voilà, je me suis donc trompé d'intro encore une fois. Eh, c'est la première de la rentrée. Merci. Il est cool. Je me sens tellement seul. Eh, écoutez, la solitude du studio. Franchement, on peut pas faire plus seul. Hein, voilà. Clair. Allez, on y va. Bisous. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Adrien Thomas. Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Bienvenue, minuit 4, on est en direct sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas jusqu'à 1h du matin. Est-ce que vous avez remarqué un truc, c'est que le studio 2 est plus fort que le studio 1. Ah bah ouais. Et donc quand je parle, je ne vous entends plus. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai une grosse voix aussi, mais franchement, c'est assez hallucinant. Voilà, c'était la petite anecdote hein, dont tout le monde se fout, mais je voulais vous le dire. Bon, on est avec toi, t'inquiète. Allez, The Parakeet dans un instant, Save Me, il y aura aussi... tiens, qu'est-ce que vous voulez écouter ce soir? J'ai envie de vous faire plaisir. Alors moi, j'aimerais bien Calvin Harris. C'est gars-là, j'aime bien, moi. Tu sais que Calvin Harris va sortir un nouveau morceau la semaine prochaine. Ah, oh, fort. On a vu. Eh ben voilà, petite info. Bim, gratos. Martin Garrix dans un instant, DJ Snake. Et puis Kungs. Voilà, donc écoute, si à la place pour Calvin Harris, je le mets. D'accord, merci, bisous. Bisous. I'm gonna ride your back. Take it left. Hard to walk again. You told me how to fly.